CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. Le roi des dames, Mathieu Roy, sera là avec sa chronique humoristico-éducative Nettoyage après cynisme. On regardera à travers les cracks pour retrouver ce qu'on a échappé dans le puisard du hasard. Et nos habituels chroniques, c'est un fake et sexy time et plus à Assemblage Requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 2 juin 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, j'ai un invité spécial comme co-animateur. C'est notre ami Félix-Antoine Désilé-Rousseau, etc. Etc. Ça va? Ça va bien, toi, Matt. Ouais, j'ai eu les 4 sur 4. Oui, t'as eu les 4. Ça, des fois, ouais. C'est François, Xavier. Ben, tu sais, les noms des années 2000, 90, en fait, là, on n'est plus trop sûr quelle génération nous sommes. Je suis jamais sûr si c'est Félix-Antoine ou François Xylophone. Ça sera pas François Xylophone. Alexandre, Antoine, Anthony. Matt Fader. Fader, salut Fader. Fader qui a animé l'émission à livre ouvert. Tout le printemps dernier. Oui, exactement. Nous sommes de retour. Hein, à l'automne. À l'automne, avec Camille. Ben oui, Camille Durand-Plourde. La seule et unique Camille Durand-Plourde. Tout à fait. Et aussi, tu fais des chroniques à l'émission de Daniel Dîner de con en temps normal. En temps normal, oui, normalement. Ça devrait recommencer, c'est aussi à l'automne. Là. Chronique un peu culturelle de ce qui s'est passé dans la semaine. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la chronique culturelle un petit peu, ce qui s'est passé dans la semaine. Ben en fait, je pense que c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Non, hein. On avait trouvé un nom on the side un peu là, avec Danny. C'était le Fader Project qui était ça de moi. Fader Project. Ouais, c'est le nom de la chronique. Donc, on va t'avoir pour environ la première heure d'émission. La première heure de l'émission. Si je fais bien ça, ben je vais être là, je vais être de retour cet été. On extensionnera ça. On mettra un petit mon contrat là, en bas. Ouais, là, Va te faire signer ça avec du sang là-bas comme il faut. dans l'émission aujourd'hui, Félix-Antoine, je te renseigne sur le plan de l'émission complet, même si ça va passer qu'une partie avec nous. Mais pour commencer la première heure, on va faire c'est un fait, c'est toujours ce qu'on fait en première demi-heure en fait. On devrait aussi faire King Sexy Time, la chronique un petit peu plus sexy. Sinon, autour de ça, on va écouter un petit peu l'album qu'on a sur le coin de la table ici. On ne dit pas tout de suite ce que c'est. C'est une surprise. On a parlé tantôt de cette personne-là. Oui. Tu travailles un petit peu avec lui des fois. Quelques fois, oui. Est-ce qu'on le nomme ou on attend encore? On nomme. Il va avec parcimonie, quoi. Ouais, c'est ça. Parcimonie. qu'est-ce qu'on pourrait dire comme indice, mettons, que les gens le reconnaissent, mettons? On pourrait quasiment dire qu'il travaille souvent à la radio, c'est fou. Pas mal. Ouais. Que l'émission qui anime. On l'a déjà nommé. Ouais. Le gars, il a une bonne grosse baguette dans le pantalon. c'est ce qu'il dit avec une grosse baguette. Ouais, c'est ça. Le nom de son émission est inspiré d'un film, peut-être. Peut-être aussi. Donc on parlera de ça tantôt, mais avant ça, en musique pour débuter l'émission, Fontarabie, tu connais? Du tout. C'est un projet d'un des gars de Malajube. Hein? Pour c'est vrai? Super bon. Oui, je te le garantis. J'ai hâte de découvrir ça. C'est en position numéro 1 en ce moment, donc voici Forcé au quitter. Sur C'est fou, 89.1 FM. Aucune lumière, ni aucun sentiment. Mont Arabi, la pièce forcée ou quittée, c'est la position numéro 1 du palmarès francophone. C'est pour l'instant un simple. J'ai vu, je suis allé sur le Bandcamp il y a quelques secondes. Premièrement, c'est le projet de Julien Minot, de Malajub. Tu connais, Félix? Oui, Malajub. J'adore Malajub. C'est très, très bon. C'est un groupe québécois qui, ma foi, on n'en entend plus parler. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ben, c'est ça, c'est qu'ils sortent des albums une fois par quelques années, mais entre les deux, on dirait que c'est, ça manque de présence, peut-être un petit peu. En plus, c'est un groupe qui a quand même eu de l'ampleur aux États-Unis, bizarrement, parce que musicalement, ils étaient très novateurs. Donc, donner quelques spectacles à New York, dans la ville de New York, un peu underground, dans le grunge underground là-bas, là, si on veut. Là. Fait que c'est un manager, on devrait en entendre plus parler, selon moi, mais bon. Ouais. Et c'est ça, la raison que ça fonctionne bien aux États-Unis, peut-être à l'international, ou que ça devrait plus fonctionner encore, c'est qu'on entendait mal la voix. Donc, exactement. Donc, on ne comprend pas les paroles. On ne savait pas dans quelle langue ils chantaient, mais... quand même, en fait, Malajub. Fait que t'as dit Font Arabie. Fontarabie. Cherchez ça sur Bandcamp, entre autres, il y a l'album au complet, mais sinon ici, on a seulement qu'un simple. De Julien Minot. Voilà, donc la première chronique sur le bar d'Assemblage Requis, c'est toujours celle où on apprend des choses. Voici, c'est un fait, et tu connais pas la chanson, je vais te la chanter. Okay? Yeah. J'attends ta voix, allez. Mais ça. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Il y a un deuxième couplet, tu vas pouvoir embarquer. Des choses que tu sais pas. Mathieu, je refuse de chanter. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Bon, voilà. C'est un fait. C'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage Requis. On commence avec une rafale de faits. C'est toi, Félix Antoine, qui va être le réagisseur. On oppose le terme à régisseur. Hein? C'est ça, exactement. Je viens juste d'inventer ça pendant l'intro de l'émission. Donc... On regardera si tu peux l'ajouter dans le dictionnaire. D'accord, merci. Au moins sur Internet, si c'est pas sur papier. Donc, il y a de moins en moins de naissances au Danemark et les compagnies de voyage, les agences touristiques danoises offrent des prix aux couples qui vont concevoir un enfant pendant qu'ils sont en vacances. C'est tout à fait vrai. Ah ouais. De source sûre, la source est sur assemblagerequis.com. Donc, tu veux te faire un enfant en voyage. En voyage. Clac, clac. T'sais? Comme si tu t'en vas en Russie, tu dis je vais avoir un enfant. Puis Voilà. Mais tu sais, en même temps, c'est que l'enfant restera pas là-bas. Ça donne un enfant de plus au Danemark, mais il va pas nécessairement rester là. Je sais pas s'il y a des clauses. Peut-être qu'il faut absolument que tu prévois rester là pendant un certain moment. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Les enfants de deux ensembles de jumeaux identiques sont également des cousins, mais génétiquement frères et sœurs. Si on décortique ça, là, les enfants de deux ensembles de jumeaux identiques qui coucheraient ensemble et qui feraient des enfants sont légalement des cousins, mais génétiquement sont frères et sœurs. Étrange. Étrange, oui. Ouais, mais vrai. Ouais. Ah, mais c'est pas bête. Oui, ça a bien du sens. On pense pas à ces affaires-là. Non, je me couche pas le soir. Mais très intéressant, par exemple. Côté scientifique, ça peut être... On pourrait, oui, il y aurait quelque chose à approfondir dans cette veine-là. Mais ça fait un drôle d'arbre généalogique. C'est comment est-ce que tu dessines ça après ça? Tu dessines pas. Je sais pas dessiner. Entre 1991 et 2000, 90% du LSD du monde entier était produit par un seul homme. Combien de pourcents? 90%. Entre 91 et 2000. Wow. C'est beaucoup de LSD, ça. Je sais pas combien lui en consommait. Ben, je souhaite qu'en... En tout cas, j'espère qu'en consommait pas tant que ça, parce que... Je veux dire... Ça marche de profit, hein, c'est... Mais je me demande si ça te rend plus productif ou moins productif. Si on regarde les pourcentages, je pense que ça le rend plus productif, si c'est le cas. Si on prend au moins il travaille fort, c'est pour ça qu'il en prend 90%, je sais pas. Si on se fie au pourcentage, oui, peut-être. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu cette photo du premier Ronald McDonald en 1961? On va le décrire un peu pour nos auditeurs. Ouais, ok. Il a l'air d'avoir une boîte de pizza sur la tête, très épaisse. Un genre de verre en papier dans le feu. Dans le milieu de la face. Exact. Là, de la dîner. Autour de sa taille, il y a une petite table avec un autre verre dessus. Avec aussi des gants. Oui, des gants. Bien sûr, pour être propre. Son habillement ressemble un peu à un bouffon du roi. Oui, le fou du roi. Et on dirait qu'il y a une serviette à homard autour du cou, sans le homard. C'est avec la bouffe McDonald's à la place. On pourrait aussi parler de son maquillage, qui est assez inusité, non? On dirait que tout le bas de sa face, jusqu'au haut de ses joues, est couvert de, j'imagine, du rouge. Quoi qu'on ne sait pas, parce que la photo est en noir et blanc. Mais oui, il y a du maquillage, surtout le menton et les joues. Puis il faudrait aussi parler de la manière qu'il est placé. Un peu comme la reine, un salut de la reine, un peu. Là. C'est vrai, ça. Est-ce que tu as remarqué ses sourcils? Ben, c'est assez ça marque, là. Ils sont très épais, ils vont jusqu'à son nez, et ses cheveux sont très, très ébouriffés. Oui, quasiment. Je pense qu'ils ont bien fait de l'améliorer. Je crois que oui. Mais quoi que la version récente n'est pas nécessairement mieux non plus. Un petit peu peur. Est-ce que tu as vu la nouvelle mascotte des Joyeux Festins? C'est une boîte de Joyeux Festins avec un sourire et des gros yeux. Non, mais est-ce que c'est attirant pour les enfants? Ben, il y en a qui disent que oui. Il y en a beaucoup plus qui disent que non sur Twitter. C'est assez partagé entre les gens qui n'aiment pas et les gens qui détestent ça. Donc, voilà. Ça serait à vérifier, ça fait. Je vais t'avouer, Mathieu, je vais te faire une grosse confidence. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé un Joyeux Festin. Moi, ça fait depuis hier. Un joyeux festin hier? Ouais, pas un joyeux festin. Non, j'avoue, c'est vrai. C'était pas un joyeux festin. Il semble que les joyeux festins, c'est juste pour les enfants. T'as raison, et ça vient qu'un jouet. Non, t'as raison. C'était juste de pas en avoir mangé hier. Un Big Mac. Ouais. Donc, allez voir la photo de Ronald McDonald en 1961 sur assemblagerequis.com. 95% de tous les avocats et légumes en vente aujourd'hui descendent d'un seul arbre qui a été cultivé par un facteur du Milwaukee en 1926. 95% de ceux qui font de la reproduction de légumes par rapport à celui d'avant, donc c'est tout le temps génétiquement le même. Ben, c'est comme dire qu'il y a 99% des humains viennent de la même place. Du même humain, exactement. Ben oui, ça a du sens. Oui. Je sais pas si c'est mathématiquement exactement ça, parce que si on recule assez loin en arrière. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait plusieurs races d'humains là, à un certain moment, donc on pourrait... Faudrait creuser de ce côté-là. Je suis sûr qu'en anthropologie, ils l'ont déjà fait. Là. Probablement. La personne moyenne va ouvrir combien de fois son réfrigérateur par jour? Moi, je dirais, si je me fie à moi, quand j'ai rien à faire, j'ouvre la porte du frigo. C'est vrai. Donc, probablement 90... Non, peut-être pas 90 fois, mais moi, c'est à peu près ça dans la journée. Ça, c'est si tu travailles pas, dors pas. Quand je lis un livre. C'est ça. J'ai tout le temps faim, je sais pas. Il te faudrait un petit minuscule frigidaire dans ta chambre à coucher. C'est juste avec un... Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, faut que je bouge, là, si je mange. Ah, c'est ça, c'est ta façon de marcher, c'est de te lever et de te rendre au frigidaire. C'est 22 fois par jour, en moyenne. 22 fois, quand même? Ouais. Donc, t'es vraiment au-dessus de la moyenne, avec ton 90. Ben... Je prends ça pour du cash, moi, là. Oui, je pense que j'ai exagéré. Je peux peut-être un petit peu. Ouais. Comment, j'aime ça, ce comment éternuer en 10 langues différentes. C'est pas pire, ça. Je vais juste ouvrir ça. Oui, mais si on se prend... En anglais, c'est sneeze. Sneeze, oui, c'est ça, mais l'onomatopée, disons. OK, il y a des langues... ça se peut que ce soit différent, c'est vrai? Ben oui. Par exemple, des fois, on l'écrit différemment pour représenter le son. Donc, en anglais, tu sauras que c'est achou. Okay? Achou, oui. En français, c'est achoum. Achoum, exact. En vietnamien, hati. Hati. En turc, hapsou. Ouais. En allemand, hachi. Hachi. Ah, OK, ouais, quand même cool. Quand même facile. Ouais. En polonais, apsik. Hein? Apsik? Apsik. OK. Ouais. En coréen, haichi. Haichi. Ouais, ça a du bon sens. Ça va être ça. Ouais. En Inde, on dit hachi. Hachi. Hein? Oui, peut-être. Ouais. En russe, hapchi. Hapchi. T'es sûr, c'est pas du chinois, ça? Je sais pas. C'est peut-être mandarin, non? Mon accent est pas très bon. En portugais, hachim. Et en japonais, c'est hakushon. Japonais, c'est définitivement ma préférée. Hakuchan! Ouais. Bon. Et il y a une image avec la façon de prononcer sur assemblagerequis.com. Les bébés opossums, le petit animal, l'opossum, sont tellement petits, les bébés, qu'on pourrait en mettre 20 dans une cuillère à thé. Ça fait un bon quick, c'est un quick opossum. Mathieu, je pense à trop d'imagination. Peut-être un petit peu trop. Le personnage de Flick dans A Bug's Life, une vie de bestiole, c'est avec les insectes. C'est une vie d'insectes. Oui, ça c'était. Ça. Mais ça, c'est vieux, là. C'est très. Attends, c'est ma jeunesse, là. Ben, c'était quoi dans les années. Attends un peu. C'est ton adolescence, puis c'est ma jeunesse à moi. Ouais, mais là, tu le fais avoir l'air plus vieux que nécessaire, là. Donc, A Bug's Life, 1998. Je l'avais dit que c'était ma jeunesse. Ouais. Et ton adolescence à toi. Ouais. Au Québec, on appelle ça une vie de bestiole. En France, évidemment, mille et une pattes, hein, pour faire la différence. Oui, c'est ça. Mille et une pattes. Donc, le personnage de Flick dans A Bug's Life, à l'origine, devait s'appeler Flick Felicka. Alors qu'on l'a appelé Felicka dans le film, OK? Gros scandale. Gros scandale. Le C a été enlevé parce qu'ils ont réalisé que dans certaines polices, ça pouvait avoir l'air de d'autres choses. Donc, si tu dis Felicka. De quoi est-ce que ça peut avoir l'air? C'est pas autant peu. Dépendant de la phrase. Mot en allemand, probablement. Achou, achou. Peut-être en japonais. Si on assemble le L et le I dans certaines polices, ça faisait comme 9. OK, Mathieu, merci de m'éclairer. Ça fait plaisir. Bon. C'est comme Pac-Man, le fait que tout le monde connaît qu'avant c'était Pac-Man, mais que ça faisait fuck, c'est enlevé la patte des pattes de donc, la seule saveur que les baleines et les dauphins peuvent goûter, c'est le sel. Mais ils habitent pas dans la mer qui est salée, eux. Ben justement, peut-être que ça met du goût dans leur vie. Non, je sais pas. Attends un peu, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça va épicer mes aliments. Miam, ça me surprend qu'ils goûtent pas. Ben peut-être que le sang, c'est quand même salé un peu aussi. Ah! Parce qu'ils détectent le sang dans l'eau quand même. Ouais. Étrange. Une étude de l'Université Queen Mary à Londres nous apprend que les chèvres ont un accent. OK. Donc, s'ils viennent de Nouvelle-Zélande, ils sont différents de ceux du Québec, quoi. Achou! Je pense que ça va revenir tout à l'heure. Apsik! C'est en turc, ça, je crois. OK. Un poronkousema. Est-ce que tu sais c'est quoi un poronkousema? Non, mais je pense que tu vas me le dire. Je pense que oui. Ouais. C'est la distance d'environ... C'est une distance d'environ 7,5 km en Finlande. On a parlé de la Finlande énormément tantôt. C'est la distance qu'un renne, l'animal, le renne, ouais, peut voyager sans arrêter pour faire pipi. Donc, c'est 7,5 km et c'est un poronkousema. Donc, quand tu dis « je vais faire un poronkousema de moi-même », donc tu dis que je vais courir 7,5 km ou marcher 7,5 km sans m'arrêter pour aller aux toilettes. Non, c'est ça. Sans t'arrêter. Si tu fais pipi dans ton pantalon ou dans un contenant, ça compte pas. Donc, pour tous les marathoniens, sachez-le. Ouais. Sachez-le. Un arc-en-ciel à l'envers, est-ce que tu as déjà vu ça? Non. Ben, j'ai une photo ici, si tu veux le voir. Oui, j'ai envie de regarder ça. Un arc-en-ciel à l'envers, c'est un arc circumzénital. Pas génital, zénital. ça se forme quand le soleil va frapper des cristaux de glace dans le ciel, dans les nuages. Oh, ça se produit-tu plutôt dans les hémisphères, dans les bouts des hémisphères, ou ça peut se produire partout, ça, ce genre de truc-là? Bonne question, j'en ai aucune idée. C'est ça qui est le fun, c'est un fait, pas de détails. Mais non, je sais pas. Ça frappe des cristaux de glace, j'imagine seulement donc aux endroits où il y a de la glace qui se forme dans le ciel. Ouais. Mais j'aurais pensé comme un peu comme les aurores boréales, là, peut-être. Là. Moi, j'évoquais plus ça. Bonne question. Ouais. Mais si vous voulez aller chercher un petit peu, encore une fois, le nom, c'est circumzénital. S-C-R-U. Non, pardon. C-I-R-C-U-M-Z-E-N-I-T-H-A-L. Mais le lien sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu sais ce que c'est un pop-tipping? Répète. Pop-tipping? Porc-épic. Porc-épic. Non, c'est un mot qui veut dire micro-ondes en Welsh. Welsh, évidemment... Qui est la langue des Pays de Galles, quoi. Pays de Galles, exactement. Oui. Il y a un nom en français, par contre, pour ça, en Welsh. Gallois. Il y a une ville en Norvège qui s'appelle Hel, enfer. Quand et même. Elle gèle l'hiver. Donc, quand on dit que l'enfer gèle. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Oui. J'ai cherché en français, j'ai pas trouvé l'équivalent. Je suis sûr qu'il y en a un, mais je l'ai pas trouvé. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Gambrinus? Gambrinus, non, mais si on va sur le site du Gambrinus, peut-être? Peut-être, ben, probablement, en effet. Gambrinus, Trois-Rivières, j'avoue. Il doit y avoir la définition en français, non, mais c'est vrai. Mais à l'origine, ça veut dire être plein de bière. Plein de bière. C'est quand même intéressant. Donc, le Gambrinus de Trois-Rivières serait nommé selon les Soulons. Selon les Soulons, exactement. attends un peu, je suis en train de regarder sur leur site... Je vois l'historique du restaurant, mais je vois pas la définition du mot, malheureusement. Pas en ce moment. Peut-être inexistant. En tout cas. Ils savent peut-être même pas eux-mêmes. Peut-être pas. Mais bon, c'est un beau nom quand même. Savais-tu que 68% des utilisateurs de téléphones cellulaires vont recevoir un appel de vente, de marketing à un moment ou à un autre de leur vie? 68% selon une étude. Ouais, puis je trouve le nombre un peu bas. Moi aussi. J'aurais pu dire 90, puis ça m'aurait pas surpris. Absolument, et moi c'est à toutes les semaines au moins. Change de numéro, Matt. Moi, ben, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Mathieu, tu dois vraiment changer de numéro. D'accord, c'est noté. C'est noté. les astronautes d'Apollo 11 ne pouvaient pas se faire assurer, ils ne pouvaient pas y avoir d'assurance vie avant le lancement de la fusée. Donc, ils ont donné à leur famille des photos autographiées d'eux-mêmes pour qu'ils puissent les vendre si jamais ils mouraient pendant leur vol. Ah, pas bête. Ouais, c'est triste. Mais c'est très triste, oui. Ben, au moins, ils n'ont pas eu à s'en servir. Oui, mais je suis persuadé que les assurances peuvent être chères pour le monde qui va dans l'espace, par contre. Probablement. Et c'est pas quelque chose que tu peux cacher vraiment non plus. Hein? Non, tu peux pas dire « Ah, je suis pas allé dans l'espace. » Ça passe à TV partout. Ouais, non. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui me ressemble énormément. Ouais, il a le même nom, bizarrement. le 1er juin, c'était la journée internationale du lancer d'une pièce de monnaie. Flip a coin day. Le 1er juin. 1er juin. Pourquoi? Je sais pas. Ben ouais, un dimanche, en effet. Ouais. Tu t'en rappelles parce que c'est le jour de ta fête, le 1er juin? Non, c'est le 2. 2 juin. Ouais. J'étais proche. Ouais. Bonne fête encore. Hey, merci Mathieu. Ouais, plaisir. Mais c'est un peu bizarre le nombre de journées qui sont qui sont nommées sur l'événement. Toutes les journées de l'année, on dirait qu'ils ont quelque chose. Puis Les unes après les autres, c'est plus insignifiant. Exactement, c'est ce qu'on aime. Quand il était en deuxième année, Jamie Foxx, tu te rappelles de Jamie Foxx, c'est un acteur qui jouait, qui a joué dans tout plein de films. Oui, en fait. Il a joué dans... je veux dire le nom, puis je l'oublie. Django Unchained. Oui, c'est vrai. Il a joué aussi dans un film d'un jazzman. Ray. Ray, exactement. En 2004. Oui. Collatéral en 2004 aussi. Oui. Que justice soit faite en 2009. Donc, quand il était en deuxième année, Jamie Foxx était tellement talentueux pour dire des blagues que son professeur l'utilisait comme récompense. Genre, si la classe était gentille, vous allez avoir droit à... blague de Jamie Foxx. C'est une bonne idée. Bien sûr que c'est c'est une très bonne idée. Un bon imitateur, en plus. Oui. Ouais. Est-ce que tu connais l'actrice Jennifer Goodwin? Non. Non, je veux dire dans quoi elle a joué un petit peu. Sa face te dira peut-être quelque chose. Attends un peu. Elle joue dans Walk the Line en 2005. Oui. Elle joue dans la série Once Upon a Time en ce moment. OK, oui. Jennifer Goodwin, elle écrit son nom G-I-N-N-I-F-E-R, Jennifer. Mais elle est née Jennifer Goodwin, écrit comme d'habitude. Mais elle a changé son... Exactement. Elle a changé son nom pour être un petit peu plus... pour se distinguer, se sortir du lot. Donc Jennifer, G-I-N-N-I-F-E-R. Ça fait pas plus bas de classe, non? Oui, ça fait... ouais. Ah, bon, mais... Un petit peu... Si on allait vers le haut, ouais, genre... Ouais, actrice porno, moi, je dirais. Pas mal plus, ouais. Ouais. Ah, mais... Puis Goodwin, en plus, je sais pas, aussi. T'sais. Oui, c'est... En tout cas, on peut passer à l'autre nouvelle. Ben, c'est ça. Et on revient aux animaux. On a parlé tantôt de chèvres. Parlons de moutons, maintenant, qui peuvent reconnaître les autres moutons dans des photos. Ah, ben, c'est quasiment de la zoophilie. Si, mettons, un mouton se fait plaisir en regardant des photos d'autres moutons, est-ce que c'est de la zoophilie? ça se peut-tu? Je sais pas. Tu sais, comme non, nous autres, si on le fait avec d'autres humains, c'est comme du cannibalisme. Je sais pas. Je sais plus. Ça se tend, non. Je suis te mêlé. Ouais, moi aussi, je suis un peu. C'est quoi le sujet, là? Je sais plus. C'est quoi le fait, là? Oublions-le. Oublions ça. Passons à autre chose. On va entendre une pièce du côté anglophone. Tiens, pourquoi pas, on va entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu dans la précédente édition des Palmarès C'est Fou. C'est une pièce de Walrus. On s'en va entendre Banger. Banger comme dans Fourré à mouton. Ouais, bang, bang. Il me semble que ça continue le sujet qu'on voulait oublier, non? Alors, je pense que oui. Jennifer Goodwin aussi. Jennifer. Jennifer. I dream of Jennifer. Actrice porno. Ouais. Professionnelle. Yeah. Walrus et Jennifer Banger. Non, juste Banger. Goodwin. On est stické sur Jennifer Goodwin. Au retour, plus de cet effet à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Toujours Assemblage Requis avec mon co-animateur invité Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Bonjour Mathieu, ça va toujours bien? Oui, toujours, toujours. Tantôt, on a commencé cet fait. Je trouvais que ça allait bien ensemble. On devrait continuer un petit peu plus. Hein. J'aime ton idée. Ouais, c'est pas pire, mais je vais être obligé de rechanter la chanson par contre. Ok, je les chante à tout seul. Non, c'est à ton tour. Je la connais plus. Je suis désolé. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Bon. Donc, deuxième partie de cet fait, parce qu'on en a jamais assez. Commençons avec le manque de sommeil. Est-ce qu'il t'arrive de passer dormir, Félix-Antoine? Ben, je vais t'avouer que ça m'est arrivé cette nuit. Bah oui, hein? Oui. Combien d'heures? Je me suis couché à 2h, je me suis levé à 7h. 5h. Ouais, c'est pas super. Donc, souvent, on ignore l'importance du sommeil parce qu'on se dit bon, qu'on a tellement de choses à vivre et tellement peu de temps pour le faire que dormir, c'est pour les faibles. Les études nous apprennent que le manque de sommeil est lié à une pression sanguine, dans le fond, trop haute, une augmentation du risque de diabète, un risque de fibromyalgie augmentée, de l'obésité, des douleurs musculaires et de la dépression, juste pour en nommer quelques-uns. Donc, se priver de sommeil pour étudier, par exemple, pour un examen, c'est probablement la pire chose qu'on peut faire. Parmi les conséquences du manque de sommeil, ça a des effets sur l'attention et sur la mémoire, ce qui est probablement le plus important pour les étudiants, entre autres. Oui. Donc, étrangement, les gens qui manquent de sommeil ont une meilleure mémoire à court terme que les gens qui sont au repos, qui sont reposés, bien reposés, qui ont bien dormi. Mais si vous manquez de sommeil, votre cerveau doit travailler plus fort pour accéder à cette mémoire-là et à votre raisonnement logique. Si vous êtes vraiment en grand manque de sommeil, votre comportement peut imiter celui d'une psychose. C'est parce que le manque de sommeil vous empêche de prendre des décisions appropriées ou de bien évaluer les choses ou encore les événements émotionnels. Donc, tu vas réagir à ces événements-là de façon inappropriée. Donc, c'est pareil comme quelqu'un qui est en psychose. Tes émotions vont être trop à fleur de peau. Donc, tu vas écouter tes émotions et non ta raison. Ben là, exactement. Donc, aucune décision réfléchie n'est prise dans des moments d'insomnie ou de manque de sommeil. Exact. On dit de dormir, évidemment, entre 7 et 8 heures par jour. Donc, peut-être que je vais faire une psychose tantôt si on suit la logique. Tu vas faire quoi, excuse? Une psychose tantôt si on suit la logique. Une psychose, oui, c'est ça. Tu vas tuer quelqu'un dans une douche, je pense, comme le film Psychose. Non. Tu t'en tiens. J'ai pas besoin. Non. Jusqu'à maintenant, je me suis retenu. Ça fait 23 ans que. Ben, en fait, c'est 24 maintenant. Oh! Excuse. Bonne fête une deuxième fois. Est-ce que t'as un tatou? Non. Non. Si jamais tu t'en fais faire un, peut-être que tu vas le regretter, peut-être que tu vas vouloir te le faire enlever. Oh! Hein? Tant mieux, j'en ai pas. Ben non, c'est ça. Se faire enlever par laser, c'est quand même assez complexe. Il y a des recherches par des dermatologues. Dermatologues ou dermatologistes? Dermatologues. Ouais, je m'arrête tout le temps. Italiens. Donc, ils ont fait une étude là-dessus. Un petit peu moins de la moitié des tatous peut être enlevé facilement avec 10 traitements laser. Complet. Si tu prends 15 traitements laser, évidemment, ça coûte de plus en plus cher, puis tu prends le traitement. On peut enlever jusqu'à 75% des tatous. Pas 75% du tatou, comme dans on enlève le corps, mais 75% des tatous en général. Oh. On dit que les gens qui fument ont 70% moins de chances de se faire enlever un tatou en moins de 10 traitements. Donc, d'autres facteurs à retenir, c'est que les tatous qui sont rouges ou noirs vont s'enlever plus facilement au laser. Noir est la couleur la plus facile à enlever. Les tatous sur les pieds et sur les jambes sont les plus difficiles à enlever qu'ailleurs. Donc, morale de l'histoire, ne pas fumer. Ne pas fumer. C'est ce qu'on en retient. C'est ce qu'on en retient, oui. Ça a que des désavantages. Non, mais la vraie morale serait plutôt ne pas se faire tatouer, non? Ben exactement. Ben, tu sais, en même temps, si tu connais les conséquences de tes actes, on dit... Ouais, si on est conscient, c'est vrai. Si tu mets... qu'est-ce qu'on a dit? Si tu mets une photo de ton tatou sur ton mur dans une place où tu vas tout le temps être à la maison, mettons, au-dessus de ton lit, je sais pas trop quoi, que tu vas voir fréquemment, si tu le laisses là pendant plusieurs années, je sais pas si c'était 3 ans ou 5 ans... Tu vas vouloir te le faire enlever? Tu vas vouloir te faire... Si tu l'aimes encore après 3 passe 4, 5 ans, c'est correct de te faire tatouer parce que tu l'aimes vraiment. Tu l'aimes vraiment ton tatou. Si tu tannes de l'affiche ou de la photo. Si la petite pensée que tu pensais cool quand tu l'as mis. Petite phrase cute ou un symbole japonais ou chinois. Ouais, chinois, ouais. Ça, on s'entend. En tout cas, on n'en marquera pas sur ça. Ils peuvent-ils écrire n'importe quoi? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. L'Americans with Disabilities Act, qui est un acte par rapport aux personnes handicapées et les services qu'on leur offre, en fait, tout ce qui entoure les handicapés aux États-Unis, est passé au Sénat en 1989, mais il y a eu plusieurs problèmes pour réussir à passer ça à la Chambre des représentants, la House of Representatives. En 1990, par contre, c'est ce que je voulais dire, l'acte n'avait pas encore été voté, donc il n'avait pas encore été accepté. Les manifestants ne voulaient plus attendre, ils voulaient pouvoir vivre comme les autres. Donc, on adapte les choses pour eux. Donc, le lundi 12 mars 1990, ils sont arrivés au US Capitol, le bâtiment très réputé. Ils ont demandé à ce que la loi passe. Et ils voulaient attirer l'attention des médias, entre autres. Donc, ils ont fait quelque chose d'inattendu et d'assez extraordinaire. Ils ont abandonné leurs chaises roulantes et leurs autres appareils pour se transporter. Et ils ont commencé à grimper, à ramper sur les 83 marches de pierre du US Capitol aux États-Unis. Les manifestants criaient « What do we want, ADA? When do we want it now? » Donc, qu'est-ce qu'on veut, l'American with Disabilities Act, et quand est-ce qu'on le veut maintenant? Plusieurs sénateurs trouvaient pas ça commode. Ben, cette cascade-là. Et c'est la chose gênante qui a fait qu'ils ont finalement poussé. Et 4 mois plus tard, on a eu le Americans with Disabilities Act. Comme quoi, des fois, manifester peut changer les choses. Exactement. C'est pas nécessairement avec des chaudrons. Non, pas tout le temps. Le légendaire Steven Spielberg et l'autre légendaire Martin Scorsese ont développé des idées de films qui ne voulaient pas continuer. Ça leur tentait pas de continuer avec ça, donc ils ont échangé leurs films. Et les deux sont devenus des succès. Cape Fear, à l'origine, avait été développé par Steven Spielberg. Il a décidé de l'abandonner parce qu'il trouvait ça trop violent. Il a parlé avec son ami Martin Scorsese et ils ont décidé d'échanger leurs deux films. Leurs projets respectifs. Exactement. Et il a échangé celui-là, Steven Spielberg, pour le film de Holocaust, Schindler's List, la liste de Schindler, qui est devenu un aussi grand succès. Spielberg est resté sur le projet de Cape Fear en tant que producteur, mais il a décidé de refuser le crédit sur le film fini. C'est sorti en cinéma en novembre 91. Il était nominé pour un Academy Award pour Best Leading Role Actor, donc meilleur rôle principal. Et meilleure actrice dans un rôle de soutien. La liste de Schindler, de son côté, est sortie en 93 et a gagné un total de 7 Academy Awards. Wow! Tout ça pour un échange. C'est un très bon échange. On dit que c'est un bon échange, ça. Bon, on dit que les déchets d'un homme sont les... Bon. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. C'est exactement ça. Il y a une prison au Brésil qui a trouvé une façon assez innovante de permettre à ces criminels endurcis, à ces prisonniers, de faire réduire leur sentence. Donc, les criminels peuvent faire ça en pédalant des vélos stationnaires qui rechargent des batteries. La batterie est utilisée pour faire fonctionner 10 lumières, 10 lampadaires dans une rue sur une promenade près de la rivière. Donc, pour chaque journée de... pour 3 journées de 8 heures de travail à pédaler sur un vélo stationnaire, une journée est enlevée de leur sentence. Donc, pour 3 jours complets, on enlève une journée de leur sentence. Le programme est bénévole, volontaire. Donc, les prisonniers peuvent choisir de participer ou pas. Et je cite un prisonnier de 38 ans, Silva. Je cite. Avant, on passait la journée embarré dans nos cellules, ne voyant le soleil que 2 heures par jour. Maintenant, on est à l'air frais dehors, on génère de l'électricité pour la ville et en même temps, on gagne notre liberté. La seule chose qu'il a perdu en tant que tel, c'est 9 livres de poids chez maintenant et 20 jours de prison. Donc, ça veut dire qu'il fait 60 jours de 8 heures chaque. Il commence à pédaler à 9 heures le matin jusqu'à 5 heures l'après-midi, 17 heures, avec des pauses dîner et une pause dîner et une pause collation l'après-midi. Donc, ça les garde occupés et ça les empêche d'être violents avec les autres. Pas une mauvaise idée. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ça m'en forme en plus. Ben, c'est ça. Puis ils apprennent quelque chose. T'sais. Ils apprennent leur leçon. Ouais, ouais. Tu fais rien ou. Tu fais du vélo. Tu ferais quoi de ta journée sinon? Lire des livres, hein? Non. Ben oui. Oui, oui. Mais. Pas eux autres. Pas eux autres, non. Un juge espagnol. Était en faveur, en fait, jugé en faveur d'une école de conduite qui chargeait plus cher aux femmes qu'aux hommes. L'école offrait aux hommes des leçons illimitées jusqu'à ce qu'ils passent leur test de conduite pour 665 euros. Pendant ce temps, les femmes devaient payer 850 euros pour la même offre en novembre 2011. Après ma barre, sans explication, est-ce que tu serais d'accord avec ça? Non. Non? Attends de voir le reste. Donc, l'école de conduite Zaragoza a reçu une amende de 4000 euros pour discrimination sexuelle, mais le juge Albar a renversé cette décision-là quand l'école est allée en appel. L'école avait fourni à la cour une recherche, une étude, qui prouvait que les hommes étaient de meilleurs conducteurs. L'étude, donc, montrait que les femmes avaient besoin de plus de tests de conduite que les hommes pour passer leurs tests. Le Directorate of Traffic en Espagne, ça, c'est ceux qui s'occupent de ces choses-là, ont clarifié qu'à chaque année, et je cite, « à chaque année, les hommes montrent une meilleure dextérité et sont meilleurs sur la route dans les tests de conduite que les femmes », selon cette étude-là. Les données du Driving Standards Agency, la DSA, en 2013, nous apprennent ces données-là que les femmes ont deux fois plus de chances de rater leur test de conduite que les hommes. Et ils ont fait aussi deux fois plus d'erreurs que les hommes pendant la section stationnement en parallèle lors des tests de conduite. Donc, c'est bien malheureux à dire, mais c'est dans les faits. Oui, c'est selon une seule étude. Selon deux départements, le Directorate of Traffic et la Driving Standards Agency. C'est sûr que ça dépend peut-être des pays, ça dépend de peut-être plusieurs conditions, mais ouais. Les chiffres sont quand même là. C'est malheureux, mais... Ouais, les chiffres sont là, mais pourtant, au Québec, les hommes en bas âge paient plus cher leur... C'est vrai, ça. T'as raison. Pour les assurances, parce qu'il y a moins d'accidents. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, peut-être qu'ils ont plus de difficultés à passer les tests de conduite, mais en bout de ligne, les recherches des assurances montrent qu'elles sont des meilleures conductrices que les hommes. T'as bien raison là-dessus. Ils font moins d'accidents. En fait, ça dépend selon les critères là, pour le juger, mais bon. En même temps, moi, je serais plus du genre à dire, tu sais, pour l'égalité de tout le monde, je dirais que ça finit par s'équivaloir d'un bord ou de l'autre. T'sais, même s'ils sont moins bonnes en parallèle, ils sont peut-être meilleurs dans d'autres affaires. Fait que peut-être que c'est de la discrimination, en effet, de dire, tu sais, pour quelque chose que tu contrôles pas, qui est ton genre, est-ce que c'est normal que tu payes plus cher, moins cher? Je pense que non. Ben c'est ça, mais pas, on peut m'en parler. Moi, j'ai, en tout cas, je vais toucher du bois, là, mais j'ai pas d'accident à mon actif, puis je paye plus cher que les autres pour mes assurances d'auto. Ouais. Mais toi, Mathieu, t'as pas d'auto. J'allais justement dire, moi non plus, j'ai jamais fait l'accident. Ah, mais t'as pas d'auto. Ouais. Allez, j'ai pas mal ça. C'est nice comme commentaire. Tu me diras, nice. Est-ce que tu veux en savoir plus sur le mot nice? Il vient-tu de Brice de Nice, peut-être? Peut-être. À la fin du 13e siècle, le mot nice, ça voulait dire quelque chose de stupide et qui n'avait pas de sens. Ben, en fait, ça veut encore dire mais ça pour les gens qui l'utilisent. Mais bon. Mais ça fait 800 ans plus tard, c'est la même chose. C'est ça. Ceux qui utilisent le mot nice, puisque le mot nice. Nice, c'est donc bien sweet. Donc, le mot latin, ouais, je déteste ces gens-là. Je vous juge tous plus qu'un que chacun. Donc, le mot latin necius, N-E-S-C-I-U-S, voulait dire ignorant ou pas au courant de grand-chose. Ça continue à évoluer pendant des siècles. Éventuellement, c'est devenu quelque chose d'un petit peu moins méchant. Ça continue donc son mouvement de stupide à juste quelqu'un de timide, quelqu'un de difficile. Éventuellement, à la fin du 14e siècle, ça commençait à vouloir dire délicat. Et en 1769, ça commençait à vouloir dire quelque chose de bien, comme on le connaît aujourd'hui, quelque chose d'agréable. Donc, ce serait un mot francophone. Non, ça veut dire latin, ça a les mêmes racines, dans le fond. Oui, exactement. C'est ça. Le français... Mais si on suit son évolution, ce mot-là, il est francophone, non, le mot? C'est nice en anglais, c'est un mot, non? Oui, non, c'est ça. Ben, dans le fond, le mot nice en anglais a commencé à vouloir dire ça avec les dates que je vous ai dit là. J'imagine qu'en français, les années sont sûrement pas les mêmes. Ouais. En tant que tel, ouais. Disons que c'est un mot qu'on a emprunté de l'anglais plus que du latin, d'après moi, mais ça, on n'a pas les informations là-dessus. Mais bon, je pense que les gens l'utilisent aujourd'hui comme un mot en anglais. Plus que moi, là. Le mot proof en anglais maintenant, tu sais, quand on parle d'alcool et qu'on dit que l'alcool est proof quelque chose, proof est un chiffre. Oui. 80%, mettons, je sais pas pourquoi. Oui, oui. Donc, la proof, c'est la mesure de comment, dans le fond, de la quantité d'alcool qui est contenue dans un breuvage alcoolique. Le mot proof a ses origines chez les marins. Au 18e siècle, les marins britanniques avaient des rations de rhum. Et pour s'assurer que le rhum n'était pas dilué avec de l'eau, on le proofait, donc on faisait la preuve que c'était rempli d'alcool, que c'était pas de l'eau, en versant de la poudre à fusil à l'intérieur, et on mettait ça en feu. Si l'alcool ne prenait pas en feu, c'est qu'il y avait trop d'eau, et on considérait en dessous de la preuve, donc underproof. La poudre pour fusil ne brûle pas le rhum à moins de 57,15% d'alcool par volume. L'utilisation donc de la preuve pour mesurer l'alcool est maintenant surtout historique. Il n'y a plus personne qui mesure ça avec de la poudre à fusil. Mais aujourd'hui, on mesure et on étiquette l'alcool par le pourcentage d'alcool par volume. Il y a certains pays qui utilisent une mesure qu'on appelle un standard drink, donc un verre standard. Par exemple, en Australie, un verre standard, donc un standard drink, ça contient 10 grammes d'alcool, ce qui est la quantité d'alcool qu'un adulte masculin peut métaboliser en dedans d'une heure. Donc, la raison d'être du standard drink est pour aider les buveurs à surveiller et contrôler leur entrée d'alcool dans leur corps. C'est quand même très intéressant comme statistique. Je trouve ça aussi. Mais en fait, c'est pas une statistique, mais comme fait. Information. Si on... Oui. La première dame aux États-Unis n'est pas obligée d'être la femme du président. C'est quelque chose, hein? Oui, mais attends un peu. Est-ce que la population américaine voterait un président qui n'est pas marié? Oh, ben, ils l'ont déjà fait. C'est étrange quand même. Donc, la première dame, typiquement, est la femme du président, mais c'est pas obligé de l'être. Pendant l'histoire américaine, il y a une... Et là, j'aime vraiment les faits qui ne donnent pas les informations nécessaires. Mais Typiquement américain. Dans l'article, ça dit qu'une poignée de premières dames n'avait pas le titre de femme. De femme du président. Ah, okay. C'était des femmes. Oui, mais pas de femme du c'était président. Pas sa mariée, mettons. Donc, c'est les mots qui veulent dire plusieurs choses. Hein? Ouais, la première dame est une position non élue, évidemment, si on sait. Ça n'a pas de pouvoir, ni de tâches obligatoires. Elle ne reçoit pas de salaire non plus. Par contre, elle va traditionnellement à des cérémonies officielles, des fonctions d'État, des levées de fonds, des conférences de presse. Généralement, la première dame, la façon qu'une première dame agit peut changer l'opinion du public envers le président. Je pense que c'est arrivé plusieurs fois. La première dame était la femme de George Washington, Martha Washington, qui a pris le poste à presque 58 ans. La plus jeune femme à être devenue première dame était Angelica Van Buren, la femme de Martin Van Buren. En fait, non, c'était pas... Pardon. On a une information de plus ici. C'était sa daughter-in-law, donc sa belle-fille. Oui. La fille de la femme qui a marié. Bien ça? Oui, ça se pourrait, mais ça pourrait aussi être la femme à son fils. La femme à son fils, peut-être. Mais bref, ouais. Daughter-in-law. Les in-laws, tu sais, quand on dit en anglais l'expression. In-laws, c'est comme les beaux-parents. I'm going si on to my in-laws. Exactement. Madame Angelica Van Buren, qui a pris le poste en 1839, elle avait à peine 21 ans. Très jeune. Wow. La plus vieille première dame était la femme de William Henry Harrison. C'est Anna Harrison qui avait 65 ans et 222 jours. Elle a vécu jusqu'à dans sa 80e année. Wow, quand même, oui. Savais-tu que New York City, la ville de New York, n'a pas de Walmart? Hein? Je te jure. Pour vrai? C'est vrai. Donc, Walmart n'a pas réussi à entrer dans une des plus grandes villes à congestion sans cesse des États-Unis. Donc, New York. Je reviens de là. Tu reviens juste là? Ben, je suis allé là avant ma fête. Ah! La semaine dernière, à pareille date, j'étais à New York. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as visité les grands endroits? J'ai accompagné une école secondaire. Cool! Mais c'est pour ça que ça me frappe. C'est vrai, il n'y a pas de Walmart. Pas de Walmart du tout. Mais il y a du Toys R Us au pied carré, par contre. Sans blague. Ouais. Ça compense un peu. Ouais. On s'oppose apparemment à Walmart parce que Walmart a une longue histoire derrière elle, la compagnie, de prix imbattables. Et donc, pour avoir des prix imbattables, ils vont sous-payer leurs employés et les faire surtravailler. Ah. Je pense que c'est connu. Il y a aussi une peur des syndicats. On dit que les bas prix des compagnies vont faire mal aux marges de profit des autres boutiques locales. Walmart qui a reçu l'opposition aussi dans d'autres villes comme Chicago, mais qui a réussi à finalement s'intégrer. Par contre, New York persiste. En 2007, le chef exécutif de la compagnie de l'époque, donc à ce moment-là, il était chief executive, il ne l'est plus maintenant, avait abandonné l'espoir d'ouvrir un magasin à New York City en disant, et je cite, « Je me fous d'être là un jour parce que je trouve que ça vaut juste pas l'effort que ça prend. » C'est trop compliqué d'entrer à New York. J'abandonne, on laisse faire. Donc, ils ne s'implanteront jamais à New York. Ben, pas selon ce chef-là, mais peut-être que ça va changer. Ça peut changer, ouais. Fumer va faire des dommages à ton corps en quelques minutes et non en quelques années. Je savais que la morale de l'histoire, c'est de pas fumer. On l'a dit tantôt, tu l'as dit. Ouais. Parole sage. Donc, une étude récente nous apprend que les substances qui causent du cancer dans les cigarettes, ces substances-là vont se former très rapidement après avoir fumé une seule cigarette. Les scientifiques ont observé les effets de ce qu'on appelle polycyclic aromatic hydrocarbons, les hydrocarbones aromatisés polycycliques. Je sais même pas si merci pour la traduction. Moi, j'ai traduit un petit peu au hasard. Les PAH sur 12 sujets. Les PAH, donc, sont des trucs chimiques qui vont causer le cancer. Entre 15 et 30 minutes lorsque tu avales ça, que tu inhales, les pH vont être transformés dans le corps en d'autres substances qui vont causer potentiellement plus tard un cancer. Et ça va endommager même l'ADN d'une personne. Donc, ça montre que le processus destructeur de la cigarette commence après la première cigarette. Wow! Ouais. Une autre chose qui pourrait te faire mal, c'est la roulette russe. Ben, si ça prend pas. Prend pas la tête à Papineau, hein, pour ben savoir non. ça. Ça prend pas la tête explosée en mille morceaux de Papineau. Donc, la roulette russe, c'est un jeu. Auquel on joue quand on a, oui, beaucoup de cran. Ça prend beaucoup de sang-froid. C'est des gens qui aiment l'adrénaline. Supposément que ça a été développé en Russie. Et depuis ce temps-là, c'est devenu répandu partout dans le monde. Et à l'occasion, ça peut même amener la mort. Donc, une ronde est placée dans la chambre d'un revolver. Et la chambre est ensuite... On tourne. Évidemment, je pense qu'on connaît le concept. Et... une fois que la chambre arrête complètement, le joueur va placer son fusil à sa tête et va tirer sur la gâchette. Bon, sachant, en tout cas, se fiant sur le fait que ça va pas... Il n'y aura pas une balle au bout. Si on regarde le jeu plus logiquement, les gens pourraient penser qu'étant donné qu'il y a 6 chambres dans la roulette... T'aurais une chance sur 6 d'avoir la... Mais pas du tout. Non. Non, donc on pense que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Si le fusil est bien lavé, bien lubrifié, bien maintenu, entretenu, la gravité devrait, en théorie, tirer la chambre avec la balle vers le bas, ce qui va faire que tes chances de survie sont beaucoup plus élevées que la logique nous aurait dit. Donc, quand même, il faut entretenir son fusil. Parce que s'il n'est pas entretenu, en effet, là, les chances sont peut-être meilleures s'il est crasseux. De te faire faire ce que Papineau aurait vécu s'il avait joué à la roulette aussi. Qui a pas joué à la roulette. Il a pas joué, on confirme que non. Coca-Cola, on va terminer avec quelques... Je sais pas, j'ai envie d'en faire encore quelques-uns parce que je veux profiter de toi le plus possible. Merci Mathieu. Donc Coca-Cola, la boisson évidemment de la compagnie Coca-Cola, et la boisson la plus vendue dans chaque pays sur Terre, sauf un seul pays. Sais-tu lequel? Le Vatican. Le Vatican, ça aurait pu être ça, mais non, le pape est apparemment un grand buveur. Non, c'est pas vrai. J'en ai aucune idée, mais le pays qui n'a pas cette boisson-là comme le plus vendu, on va le trouver. C'est l'Écosse. L'Écosse. Le fier pays de l'Écosse. En fait, Irnbrew, qui est une boisson locale. La recette est d'ailleurs un secret depuis plus d'un siècle. Et la boisson la plus vendue là-bas. Un peu comme Coke. C'est un genre de coke, c'est une boisson gazeuse. Donc, plusieurs vont dire que la raison que le Irnbrew est resté aussi populaire, c'est la loyauté envers la marque. C'est une boisson typiquement écossaise. Ouais. Et donc, on essaie de supplanter, ou en tout cas faire mieux que les Américains. En fait, partout dans le monde, les ventes de Coca-Cola, voyons, Colin, c'est dommage à dire Coca-Cola. Coca-Cola. Trop de syllabes. Vont souffrir dans les endroits qui sont typiquement anti-américains. Par exemple, au Moyen-Orient, la marque alternative de cola se vend très, très bien. On essaie d'éviter les produits américains. Vas-y. C'est drôle que Coca-Cola n'ait pas acheté la compagnie Irnbrew. J'imagine qu'ils doivent être vraiment contre le fait de se faire acheter par des Américains, d'après moi. Ça serait logique. Je pense que ça doit être ça. Il y aurait une logique derrière ton raisonnement. Pas mal sûr qu'ils doivent s'essayer. Ça me prend bien gros. Donc, le fait reste que Coca-Cola est quand même un phénoménal succès. À chaque seconde, 17 361 verres, ou en tout cas portions, sont vendues dans le monde. 17 361 par seconde. Tu sais que c'était un sirop contre la toux au départ. Oui, c'est ça, exact. Et qui était fait à base de cocaïne. Tout à fait. Est-ce que tu as vu récemment, ils ont fait bouillir du coke dans un chaudron? Je l'ai posté sur ma page personnelle, il fallait que je l'ai pas sur la page d'Assemblage Requis, mais il a mis 2 litres dans un chaudron. Ça donne un sirop, là. Ça donne un sirop, on dirait du goudron. Ouais, ça se peut. De l'huile. C'est vraiment c'est vraiment comme la. Oui, c'est le sucre. C'est... En tout cas. Ouais. C'est vraiment cool. Je vais essayer d'y c'est penser. C'est une là. Compagnie qui provient d'Atlanta. De? D'Atlanta. D'Atlanta. En Georgie. D'accord. C'est né là. Par un docteur qui cherchait une recette contre la toux. Wow. J'ai mis la cocaïne, puis il a trouvé que ça marchait. Il devrait ramener la cocaïne dans le corps. Je me suis dit, oui, ça devait marcher, la cocaïne. Puis il donnait ça au bébé pour s'endormir. Et soudainement, j'ai soif énormément. Tu connais les écouteurs Beats? Non. Par Dr. Dre, c'est les gros écouteurs. Un petit peu, douchebag, mettons, si on veut. Comment dire, oui, si on veut. Comment dire, qui a été récemment racheté par Apple pour 3 milliards de dollars. Bref, Beats Audio utilise un truc, une prestidigitation presque de la magie pour créer une illusion d'amélioration de performance. Donc, quand Beats Audio est éteint, la qualité du son est bien correcte et tous les contrôles sont à plat et juste complètement traditionnellement normaux. Quand on l'allume, la musique sonne à l'oreille pas mal mieux. dans les tests avec les écouteurs Beats Audio sur ton, mettons, sur ton iPhone. Oui. Mais si tu joues, on essaie de jouer avec ça pour essayer de voir comment ça fonctionnait, les tests avec Beats Audio. Quand on réteint les Beats Audio, les sons ne reviennent pas à leur niveau normal. La bass est descendue vraiment beaucoup et le treble est beaucoup monté. Donc, quand tu éteins tes écouteurs Beats, t'as l'impression que ton son est vraiment pas bon par comparaison. C'est comme un petit tour de passe-passe pour que t'aies l'impression que c'est vraiment beaucoup mieux. Avec les Beats. En tout cas, c'est selon cet article-là. Il y a une source en bas de l'article. Donc, c'est des experts en écouteurs. Et il y a une vidéo pour que vous puissiez entendre la différence vous-même. Je voulais le faire jouer à la radio, mais je pense pas que ce soit super pertinent. Donc, allez voir le lien sur assemblagerequis.com pour entendre la version originale de votre son et la version Beats Audio on et Beats Audio off. Voilà pour cet effet. On a vraiment passé l'heure là-dessus. Je pensais pas faire ça. Ben, je trouvais ça cool, moi. Moi aussi, j'ai bien aimé. Ça s'enchaînait, puis c'était intéressant et palpitant. Interactif. Interactif, oui. On aime le, ça. On dirait que c'est le mot du 20e siècle, du 21e siècle. Ça crée le buzz. Tout doit être interactif de nos jours. Exact. C'est écran tactile. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux, interactifs. Je sais pas, on dirait que c'est le mot à la mode. Hotline. Hit parade. Hit okay. parade. Voilà donc pour cet effet, on fait ça en début d'émission chaque semaine à Assemblage Requis. On va terminer cette heure en question ici même. Est-ce qu'on dit au revoir? On me dit au revoir. Merci de passer. Hey, merci à toi Mathieu de m'avoir accueilli dans ton émission. Félix Antoine, tu reviens quand tu veux. Merci Mathieu, je vais prendre l'invitation. N'importe quand. Dis-moi là pas deux fois, je vais retentir un moment donné. Ok, la porte sera barrée, mais tu pourras s'aller dans la fenêtre et je vais être barré. Okay. Merci Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Une autre fois, Assemblage Requis. Nous, on revient dans une petite portion de seconde qu'on vous donne gratuitement en échange de votre écoute de ces messages publicitaires. Dans la deuxième heure, on aura Sex Mess, ça devrait répondre là et King Sexy Time, donc restez avec nous. Des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Toujours à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées pour la semaine du 2 juillet 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Tantôt, on a fait une heure de cet effet. J'aurai assez de matériel pour continuer avec une autre demi-heure, mais on va passer à un autre sujet dans quelques instants pour varier un petit peu. On va faire ça, ça devrait répondre dans quelques instants. On va s'acheter des gadgets sur Internet. Mais avant ça, avant de partir, tantôt, Félix-Antoine Desilets-Rousseau nous a suggéré une petite chanson qu'on s'en va entendre à l'instant. Voici Philippe B et son extrait « Nous irons jusqu'au soleil ». Sur Cifou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Dans ton maillot polychrome, dans mon costume en styrofoam, jusqu'au soleil. Pour inventer des couleurs, pour oublier la pesanteur de nos cœurs, nous irons jusqu'au soleil. ailes fondent, si nos ailes font défaut, nous tomberons de haut. Ah, si nos ailes font défaut, mais si nos ailes tiennent, et si les nuages se défont, nous toucherons le ciel. Ah, si les nuages se défont, et si nos ailes fondent, si nos ailes font défaut, nous tomberons de haut. Ah, si nos ailes font défaut, et si nos ailes tiennent, et si les nuages se défont, nous toucherons le ciel. Ah, si les nuages se défont. PB et sa pièce « Nous irons jusqu'au soleil » à Assemblage requis, c'était pas mal bon. Donc, on passe de Philippe B à je sais pas, quelque chose... J'essaie de voir si ça allait m'amener vers quelque chose. Attends, je vais vraiment essayer de faire... Je vais travailler fort pour ça. Philippe B. Phil, OK, comme un fil. Phil, comme quelque chose qu'on pourrait acheter, comme un fil, genre, au magasin. Voici ça devrait répondre. Là, je sais, c'était mauvais, jugez-moi pas. Là, non, je suis seul. Quand... Ça compte pas. C'est ça, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique des gadgets inutiles. Oui, donc on va faire un petit peu le tour d'Internet pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter. Hein? Le crédit, c'est tellement facile à avoir de nos jours. On se lance sur vous pour vous ordonner. Donc, il y a beaucoup de raisons de vouloir voir derrière soi. Tu sais, peut-être que tu penses que tu es suivi, quelque chose comme ça, tu es dans un mauvais quartier, ça pourrait arriver. Donc, ces lunettes de soleil seraient parfaites pour ces gens-là, vous permettant de regarder derrière vous. Hein? C'est pas génial ça? Donc, c'est des Rear View Spy Sunglasses sur Amazon pour seulement $3.50. Là, c'est presque rien. Ça s'achète tout seul, ça. Ensuite, il y a un gars qui a inventé une valise qui peut servir de scooter. Hein? C'est un fermier chinois, bien sûr, un fermier, toujours des grands inventeurs. He Liang et son suitcase scooter. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir l'amener en avion, par exemple, comme une valise normale. Ça peut transporter jusqu'à 2 passagers. Couvrir des distances jusqu'à 60 km, donc 37 000, et maintenir une vitesse de 20 km/h, 12 000 à l'heure. Ça fonctionne avec une pile lithium rechargeable et ça peut être contrôlé par des poignées lorsqu'on est assis dessus. Cette valise spéciale que He a passé plus de 10 ans à développer s'appelle, il l'a surnommée la City Cab, donc un genre de taxi de ville. Il y a apparemment assez d'espace à l'intérieur de la valise pour mettre tous ses vêtements, comme dans une valise normale. Et quand elle est vide, elle pèse environ 15 livres, 7 kg. Le journal dit que les City Cabs vont être brevetés comme appareil de voyage multifonctionnel. Et He espère voir ça sur la route très bientôt. Donc allez voir la photo et l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, tu sais, un condom. Les gars, principalement, vont souvent dire que c'est pas confortable. Que la sensation est pas là, est moins là en tout cas, et donc ils vont sûrement pas le porter. Donc le Galactic Cap, c'est un condom qui couvre seulement le bout de l'engin masculin, permettant donc une meilleure sensibilité pour le reste de l'engin. Donc tu appliques un petit morceau, et là c'est quand même assez particulier comme façon de faire, donc tu vas appliquer un petit morceau de ruban adhésif, ok? Quelques heures et même quelques jours avant les relations sexuelles, c'est ce que ça nous dit ici. Donc au bout de votre engin, vous allez laisser donc un trou au bout pour pouvoir faire ses besoins. Et ensuite, quand ce sera le moment de sauter au lit, vous allez juste retirer sur le bout de condom. Dans le fond, l'autre truc qui vient avec, c'est comme deux accessoires séparés. Donc, sur le bout de condom, tu vas pouvoir enlever le derrière de papier et l'adhérer, le coller au ruban collant qui est déjà sur ton engin. Et quand t'es terminé, t'as juste à enlever ça comme un band-aid. Évidemment, une chance qu'il n'y a pas de poils sur le bout de votre pénis. Donc, allez voir la photo et ces dessins animés réalistes de l'engin masculin sur assemblagerequis.com. Une lumière intérieure qui ressemble vraiment étrangement à la lumière extérieure. C'est quand même une bonne idée. On a souvent parlé de cadres qu'on pouvait mettre sur le mur avec des photos de voyage ou n'importe quoi. Ici, ça remplace complètement une fenêtre, même un skylight. Ça, c'est les genres de trous qu'il y a, par exemple, dans les centres d'achat. Un puits de lumière, un puits de soleil. Donc, c'est ça. Une lampe qui imite le soleil, c'est rien de nouveau. Mais Coelux, C-O-E-L-U-X, amène ça à un prochain niveau. Donc, ça a été fondé par un professeur associé à l'université de Insubria, Paolo Di Trapani. Donc, cet engin-là ressemble à un ciel, vraiment. La compagnie dit que les images qu'on voit sur assemblagerequis.com sont réelles et sans retouche. Il n'y a donc pas de Photoshop. Et si je vous le décris un petit peu, l'appareil, ça va sur le plafond. Et ça donne un aspect un peu en 3D, comme s'il y avait vraiment un trou dans le plafond. Donc, vraiment avec les ombres, des ombres dessinées, j'imagine. Ou en tout cas, une photo d'un ombre qui était ensuite collée sur le mur. Selon World Architecture News, Quilux a trois composantes principales. Donc, les lumières LED qui reproduisent la lumière du soleil. Un système optique qui va créer une certaine distance entre le faux ciel et le faux soleil. Donc, pour vraiment donner l'impression du 3D. Et des nanomatériaux. Qui vont faire ce qu'on appelle du Rayleigh scattering. Ça, c'est un phénomène qui est responsable pour pour le ciel bleu et les beaux couchers de soleil. Donc, ça reproduit ça. Rayleigh scattering, OK? Donc, l'appareil est installé dans un faux plafond, dans un système de fenêtres pour améliorer l'illusion, pour que ça ait l'air vraiment d'une fenêtre. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une imitation de fenêtre. Donc, présentement, Quilux a trois types de lumière qui vont fournir différents angles lumineux. Dans votre pièce, tu as l'angle 60 degrés tropical qui est plus brillant avec un meilleur contraste, le 45 degrés méditerranéen qui est moyen et balancé ou équilibré, et 30% 30 degrés nordique qui est plus chaud, une lumière plus chaude, une lumière plus latérale, donc de côté. Vous pouvez aller voir le site de Quilux, donc c'est sur Quilux. Est-ce qu'on peut me montrer le lien s'il vous plaît? Non, ça veut pas. Quilux.com, Quilux.com. Vous avez peut-être une mauvaise posture, vous savez, vous asseoir au bureau et vous asseoir ensuite à la maison, c'est ce qui va vous tuer. C'est ce qui va me tuer, principalement, parce que je suis assis tout le temps. Donc, on sait que c'est pas une bonne chose pour la santé. C'est quand même commun de nos jours de voir les gens s'asseoir sur un ballon. Vous voyez ça des fois dans les bureaux qui sont un petit peu plus indie, genre underground. On va avoir un ballon à la place de sa chaise, c'est très très populaire. Ce qu'on aime moins avec un ballon, c'est que quand tu te lèves debout, Colin, le ballon s'en va. Hein, ça tient pas sur place et ça, c'est plate. Il y a des appareils pour ça, il y a des cerceaux entre autres qu'on peut utiliser pour ça, qui sont faits exprès pour pouvoir s'asseoir dessus. Mais bon, ici, on nous présente un nouveau genre de chaise. En tout cas, moi, je la trouve excessivement cool. J'en veux minimum une. Ça ressemble un petit peu aux fantômes dans Pac-Man. Tu sais, les fantômes dans Pac-Man ont comme le dessus d'une boule, mais le dessous comme avec des ventouses, si on veut. Donc, ça ressemble énormément à ça. Et ça fait plus professionnel un petit peu parce que t'as l'impression, en tout cas, ça a la stabilité du ballon, mais ça a l'apparence de quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Donc, ça ressemble moins à un gym et plus à quelque chose de vrai environnement de travail. Donc, c'est la Jellyfish Bouncy Chair qui répare donc vraiment le problème le plus commun de ces ballons-là. Et donc, on place le ballon dans un genre de frame, de cadre, de cadrage, si on veut, et c'est recouvert de polyester, de spandex style. Donc, on ne voit pas la surface ou le frame dans lequel le ballon est placé parce que c'est recouvert de tissu. Bref, c'est super beau. Un Jellyfish Bouncy Chair, disponible chez ThinkGeek pour 120$. Pour vrai, ça, c'est quelque chose que je pourrais très bien procurer. On nous mène directement vers... attention, je veux les couleurs, s'il vous plaît. Il faut vraiment, tu sais, être patient avec Internet, vous savez, Luc Pierre. Donc, dans quelques secondes, je devrais un jour avoir la couleur disponible. En ce moment, il n'y a même pas l'air d'avoir de choix de couleur. C'est malheureux, ça. C'est un peu malheureux. Je vois seulement la rouge. Mais allez voir, il y a un petit gif animé du ballon. On peut vraiment rebondir dessus comme un vrai ballon, normal, parce que c'en est un vrai ballon, et bouger de gauche à droite, et ça fait juste... t'as juste plein de classes avec ça. Je trouve ça cool. On dirait que t'es comme assis sur une rose, mais à l'envers. T'sais. En tout cas, une fleur, la rose. Et non pas une femme rose. T'sais. Genre, ma tante rose. Donc, allons-y avec un cube Rubik maintenant. Cube Rubik, qui est à la mode depuis des décennies. Qui est parfait pour votre bureau. Vous pouvez évidemment jouer à ça pendant vos pauses au bureau. Mais si vous aviez une lampe cube Rubik qui en plus servait de jeu cube Rubik. Hein? Donc c'est une lampe pour le bureau. Une bonne raison de l'utiliser parce que c'est une lampe et un jouet. Donc on peut vraiment, avec la lumière allumée à l'intérieur, jouer avec votre cube Rubik. C'est pas des niaiseries. Une fois chargé au complet, le cube Rubik va vous donner 2 heures de temps pour jouer. Et quand vous avez envie de juste prendre une pause de votre cube Rubik, vous pouvez juste le remettre sur sa base triangulaire pour le mettre à la recharge, évidemment, à la charge, oui. Et c'est une lampe. C'est disponible pour environ 51$ américains. Ça, c'est un petit peu étrange, mais je pense que pour un premier rendez-vous, ça pourrait être assez populaire. Donc, les pique-niques sont bien populaires l'été, pendant le mois où on a des temps appropriés pour ça, au Québec. Mais la plupart des gens vont amener seulement des affaires qui sont mangeables avec les mains, avec les doigts, parce qu'on veut pas avoir à traîner d'ustensiles, puis là, commencer à couper quelque chose. C'est pas le fun. Donc, on amène des petits sandwichs, pas de croûte dans le panier, hein, pour éviter de faire des dégâts. Et bien, le concept de Michael Jan, qui est un étudiant qui a gradué, en fait, en design industriel à l'université de Tonghai, à Taïwan, pourrait donc changer tout ça. Michael a eu cette idée-là d'une table, serviette de table. C'est comme un croisé entre une napkin et une table. Okay? Donc, les deux côtés sont portés par les gens qui sont assis un en avant de l'autre. Donc, on passe ça à travers la tête. C'est une napkin qui descendrait, une serviette de table qui descendrait sur le devant de ton, sur ton torse, finalement. Et ensuite, la table continue de façon droite jusqu'à l'autre personne où là, il y a un autre truc qu'on met autour du cou. Hein? T'as aussi des trous, ce qu'on appellerait des slots, donc des fentes pour mettre un bol ou un verre pour évidemment accompagner ton repas et ton assiette en tant que telle avec, mettons, comme ici, des croquettes de poulet, je crois, ou de poisson sur l'assiette. Et là, tu peux y aller avec des ustensiles, ça fonctionne super bien. Et quand t'as terminé, tu peux enlever ça de ton cou, évidemment, et refermer ça comme une valise que tu transportes avec deux poignées. Super simple, tu plies ça en deux, tu t'en vas, tu peux évidemment secouer ça. Donc, vraiment, tous les avantages sont là. Ensuite, qui n'aime pas le macaroni au fromage, hein? Ça me donne envie de m'en faire ce soir. Tantôt, on a parlé de Coke, et là, on parle de macaroni au fromage. Si tu mets macaroni au fromage, extra cheddar épicé, un verre de Coke et une tranche de pain à margarine, tu viens de faire le meilleur souper possible à petit budget pour moi. Donc, mac and cheese, macaroni au fromage, la nourriture réconfortante par excellence. Si vous êtes fatigué d'une longue journée de travail, mais après ça, quand vous manquez de macaroni au fromage, vous en reste plus, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez dans un coin en boule? Mais non, non, vous pouvez accrocher ce rafraîchisseur d'air à 100 heures de macaroni au fromage dans votre chambre ou dans votre voiture pour avoir l'odeur réconfortante à l'année longue. C'est disponible en ligne pour 5$. Mac and cheese en rafraîchisseur d'air. Quelle idée! Une autre drôle d'idée, c'est un cure-dent. Premièrement, je me sers... je pense que je me suis pas servi de cure-dent depuis ma jeune enfance. J'ai jamais eu l'envie de le faire. Je sais que c'est utile, probablement que je devrais le faire, mais bon, je le fais pas. Une raison de peut-être revenir au cure-dent, c'est ces nouveaux cure-dents castor. Hein, si, mettons, votre dessert laisse un mauvais goût dans votre bouche, les cure-dents à double saveur de castor sont là pour sauver la journée. Donc, le bout du cure-dent est garni de poudre de saveur. Et le reste du cure-dent va lui avoir un autre arôme qui va durer très très longtemps. Donc, quand vous avez envie de changer de goût, c'est ce qu'il vous faut. Par exemple, tiens, ici on a bacon et érable, on a habanero et miel, framboise et wasabi. Donc tu vois, c'est des senteurs, des goûts complémentaires. Des fois, tu les verrais peut-être pas ensemble, comme mettons... qu'est-ce qui va drôlement ensemble? On dirait basilic et fraise. Tu dis, attends, il me semble que ça va pas ensemble, mais peut-être que ça va super bien ensemble. Kumquat et betterave, saké et bleuet. Avouez, saké et bleuet, ça a l'air assez gagnant. Guimauve et fumée. Là, tu vois, c'est deux contraires. T'sais. Vraiment deux contraires qui s'attirent probablement. Gingembre et ananas, bière d'épinette et sapin. Donc vraiment, il y a tout plein de façons de faire. Et il y a une petite vidéo de démonstration. Non, est-ce qu'il y a une vidéo? Non, il n'y a pas de vidéo. Je pensais avoir vu une vidéo, mais bon. Donc, c'est ça, c'est le bout a de la petite poudre après. Donc, ça va vraiment comme venir neutraliser l'odeur de ton repas, quelque chose que tu as mangé, que tu n'as pas aimé. Donc, tu neutralises l'odeur et ensuite, le bâton en tant que tel vient rafraîchir ton haleine. Donc, c'est des Castor Double Flavored Gourmet Toothpicks qui sont présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter où il y a un minimum de 10$ canadiens pour avoir deux emballages de cure-dents avec la saveur de votre choix. Il y a tellement de saveurs... comme je les ai nommés tantôt, que je ne saurais pas comment choisir. Ah, il me semblait qu'il y avait une vidéo aussi. La vidéo est sur la page Kickstarter en tant que telle. Ils sont présentement à 20 000 $ sur 35 000 comme but. Il leur reste encore 15 jours. D'après moi, ça va se rendre. Ils ont déjà 239 backers. Donc, je miserais là-dessus. Moi, ce serait quelque chose que je fonderais. Je fonderais. C'est quoi en français? Je donnerais des fonds à. je sais pas. Pour vrai, cure-dent, c'est vraiment pas mon genre de truc. Jamais, je voudrais... en fait, j'ai jamais eu envie. Je sais pas. Je respecte ceux qui en ont envie. L'été, on se baigne, mais l'été, on boit des boissons. Pourquoi ne pas combiner les deux dans un superbe flotteur de piscine? C'est le Wow Sports First Class Lounge. Oui, un lounge. C'est très, très lounge, tout ça. Donc, on flotte dans un grand ballon si on veut, en forme de chaise, comme les chaises traditionnelles de piscine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les accoudoirs, les trucs mettent ses bras, il y a des coolers, donc un truc de glace. Donc vraiment, avec un zip, on peut ouvrir ce compartiment-là. Il y a de la glace à l'intérieur et c'est évidemment tout ça rembourré pour pas que la glace vienne faire refroidir l'eau. Et tes boissons sont dans cette enveloppe-là, dans l'accoudoir, pour que tu puisses faire ce que tu veux avec ça. Et t'es pas obligé de mettre seulement des boissons. Tu pourrais mettre à peu près n'importe quoi, le téléphone cellulaire, lunettes de soleil, écran solaire. Et il y en a un de chaque côté de ces compartiments-là. Et en plus, il y a un rack, donc un support à verre dans ces trucs ergonomiques. Pardon, ergonomiques. Voilà. Donc, un total de 10 canettes plus une dans chacune de vos mains. Donc, ça fait 12 au total. Le lounger qui a aussi un truc pour se poser la tête et pour se poser les pieds. Tout ça intégré. Sur Amazon, ça coûte quand même 80$. Et c'est pas particulièrement beau, c'est même particulièrement affreusement laid. C'est bleu, pâle bleu foncé et blanc, mais il y a des marques partout, des logos. Pourquoi mettre autant de logos partout? Mais bon. Perdre son téléphone, c'est quelque chose que tout le monde déteste, je pense. Je pense que tout le monde a eu ce problème une fois de temps en temps, ou une fois dans sa vie, de soit l'échapper dans l'eau ou le perdre. Il vous faut le Pluggy Lock. Ça se branche dans votre prise d'écouteurs. Et évidemment aussi, c'est non seulement pour ceux qui perdent leur téléphone, mais pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à temps parce qu'ils trouvent pas leur téléphone perdu dans leur sac ou leur sacoche. Donc les gens de Erasnip LLC ont trouvé la solution avec le projet Kickstarter Pluggy Lock, P-L-U-G-G-Y Lock, qui est un petit bidule vraiment minutieux, ça ressemble à une vis qu'on branche dans la prise d'écouteur d'un téléphone cellulaire et après l'avoir vissé, ça va barrer en place. Donc ça se visse vraiment dans le truc. Je sais pas comment ça se fait que ça se visse, mais bon. Donc le design vous permet de l'attacher après peut-être une lanière, un porte-clés, un pendentif. Vous pourriez accrocher à un crayon pour écran tactile, peut-être à votre sac, et sans avoir peur que ça va se décrocher. Donc le Pluggy Lock est disponible en plusieurs couleurs, c'est avec un capuchon magnétique et la lanière. La période pour ramasser de l'argent continue jusqu'au 25 juin. Et si on réussit à se rendre à notre but, on va envoyer le produit en septembre 2014 environ. Donc, Pluggy Lock, c'est rendu à 45 000 sur 10 000. Donc, ils ont vraiment dépassé, quadruplé et plus leur montant. Alors qu'il leur reste encore 20 jours, d'après moi, ils vont se rendre assez loin dans les paliers chez Kickstarter. Ensuite, le stéthoscope. Il me semble que c'est une des choses qui a jamais changé dans la vie. On dirait que le stéthoscope est toujours resté pareil. Là. C'est juste une affaire autour du cou, avec un bidule que tu mets sur le cœur, etc. Donc, les docteurs utilisent la technologie du stéthoscope qui date d'il y a environ 200 ans. Et bon, on se dit qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, mais dans ce cas-ci, Think Labs a peut-être une nouvelle idée. Le One, O-N-E, comme tous les autres produits, que ce soit Xbox One, Pepsi One, tout le monde appelle leur produit One de nos jours. C'est une version du stéthoscope, mais plus moderne, rempli de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques. À part l'amplification du son jusqu'à environ 100 fois, cet appareil-là est connecté à un téléphone cellulaire et ça va permettre aux physiciens de filtrer l'audio, le son, pour enlever les fréquences, par exemple les mid, les high, les low, etc. Donc, et enlever les chuchotements, les sons des poumons qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Donc, ça va filtrer aussi le bruit ambiant et tout ça. Donc, le physicien va pouvoir focaliser sur une caractéristique spécifique et qu'on cherche, dans le fond, pour trouver un problème. Hein. Donc, le médecin peut enregistrer les sons qui viennent de votre poitrine, de votre cavité abdominale pour analyse ultérieure ou juste même pour l'archiver. C'est utilisé pour se connecter à des écouteurs de luxe, dans le fond, des écouteurs très, très sophistiqués, mais soit celles que la compagnie vous offre, donc avec le stéthoscope, ça vient avec une paire d'écouteurs, mais aussi ils ont un Beats Package, donc tu peux vraiment prendre des écouteurs Beats dont on a parlé dans le site fait tantôt, si vous en avez déjà. C'est 500$ pour l'appareil seulement et 800$ pour l'emballage avec les écouteurs Beats qui sont complètement hors de prix pour pas mal tout le monde. Surtout pour des écouteurs qui vont être utilisés pour jouer de la musique compressée en MP3. Hein? Maintenant, pour les gens qui aiment les cupcakes, hein, qui n'aiment pas les cupcakes, comme on a dit avec le mac and cheese tantôt, tout le monde aime ces affaires-là. Vous n'avez pas besoin de raison de plus pour manger des cupcakes, mais un petit peu de motivation de plus pour se rendre au fond de votre cupcake, c'est des Fortune Cakes Cupcake Molds qui ont quelques phrases sages à imprimer au fond. Donc, c'est vraiment un moule à cupcake normal en silicone. Et donc, tu peux faire ton gâteau dedans et quand tu auras fini de le manger, il y a un petit message qui apparaît au fond. Donc, il y a les Fortune Cookie Cupcake Mold qui sont disponibles pour 11$ pour un emballage de 12. J'essaie de lire sur le fond ici. Ah, tiens. You will soon gain something you don't want. Vous allez bientôt gagner quelque chose que vous ne vouliez pas. c'est un des messages. Évidemment, vous avez un emballage de 12 et ça va être tout le temps les mêmes messages, les mêmes 12 messages. Mais bon, peut-être que si vous en faites pour des invités, eux, ils vont être surpris. Ensuite, si vous êtes très, très solitaire, vous êtes en solitude, c'est en période creuse de votre vie. Il y a des moments, des fois, où on doit se protéger du monde extérieur, mais on veut pas juste rentrer à la maison. On veut pas rentrer chez soi, on veut rester dehors tout en restant seul et se protéger de l'extérieur. Donc, la tente BT-111 Foldable Lonely Tent est faite pour vous donner l'impression d'être seul quand vous êtes dehors. C'est un cube, c'est une tente finalement, donc le dépliage est très facile. Ça se déplie un petit peu comme un réflecteur pour les appareils photo, pour les photographes. Donc le BT-111 fait 1300 mm, donc 51 pouces. 51 pouces par 63 pouces par 51 pouces. Lorsque c'est complètement ouvert, ça va peser environ 4,85 livres. C'est pas fait pour remplacer une tente au complet, mais à la place, c'est supposé servir de petit bureau, par exemple, justement pour les photographes qui voudraient faire quelque chose dans leur tente tout en bloquant le soleil pour mieux voir leurs photos. Il y a une trappe d'aération pour l'air, pour laisser passer l'air, pour ne pas suffoquer lorsqu'il fait chaud. Et tout ça devrait coûter environ 80 $ américains lors de sa sortie. Alors, on ne sait pas encore quand ça va être. Le BB Lab... Donc, c'est son surnom pour le BT-1 13-11 Foldable Lonely Tent. On va au Japon maintenant. Pizza Hut vient de sortir une nouvelle pizza. Il faut que j'en parle. Je sais que c'est du fast-food et non pas un gadget, mais j'ai pas le choix d'en parler. C'est une pizza au caramel, au lait caramélisé et à la guimauve. Ça coûte 8 $ pour une moyenne et ça vient seulement en format moyen. Vous allez devoir vous rendre au Japon dans un futur plus ou moins rapproché parce que ce sera disponible que jusqu'au 30 juin. Mais pour vrai, je la regarde, puis elle me dit bonjour. Là. Mais tellement des gros bonjours. Oh, ça a l'air délicieux! Caramel au lait, ou lait au caramel, et guimauve. C'est comme une pizza sucrée, mais avec le salé de la viande, puis des... Ah, miam! OK, j'arrête d'en parler. Je dois vous donner faim aussi. Si vous êtes du genre à vouloir avoir l'air intelligent, tu sais, la façon la plus facile d'avoir l'air intelligent, c'est d'avoir un paquet de livres que vous lirez jamais, que vous avez jamais lu dans votre appartement ou votre maison. Tout le monde va être super impressionné, va penser que tu as plein de connaissances. Si vous voulez imiter ça et que vous avez des amis peut-être pas vite, il y a une tapisserie Bookcase Wallpaper. Et chaque rouleau de la compagnie Cosiel va montrer 570 livres sur une bibliothèque et ça va aider à transformer vos murs en quelque chose de pas mal plus sophistiqué. Hein? Donc, ce papier peint élégant montre évidemment des livres en cuir, tout ce qu'il y a de plus classe. Et c'est fait pour minimiser l'impression de répétition. Donc, pour que tu n'aies pas l'impression que c'est tout le temps les mêmes livres à chaque 10, mettons. Et il y a des endroits plus sombres, des endroits plus lumineux pour vous donner une impression réaliste, donc 3D. Parce que, évidemment, c'était la même lumière partout. Il y a des sources de lumière différentes dans les maisons. Donc, c'est normal que ce soit pas tout qui soit à 100% illuminé. L'idée est très très drôle et j'aime ça. T'sais, ça fait genre fake, mais en même temps fake qui s'assume, je trouve ça cool. Ici, c'est pas fake du tout, hein, c'est Hello Kitty. Évidemment, Hello Kitty, les jeunes filles de 12 ans et moins, même je dirais peut-être 8 ans et moins, aiment beaucoup Hello Kitty. Mais quand vous arrivez à l'adolescence et ensuite à la vie adulte et que vous êtes encore fan d'Hello Kitty, ça peut arriver, je vous juge pas du tout, même que je vous encourage là-dedans. Vous avez peut-être besoin d'outils pour la vie. C'est des outils qui sont vraiment utiles dans votre vie de personne en appartement. Donc, il vous faut un extincteur de fumée avec Hello Kitty dessus. C'est la compagnie Sanrio qui vend ça. Donc, c'est un petit extincteur de fumée très, très mignon. La description dit, et je vais essayer de citer, « Kitty design résidentiel petit feu, extincteur vraiment mignon. La durée du cercle, chance pour intérieur aussi. » Je me fiais immédiatement mignon et très coloré impact. Je suis fier de femmes âgées et opérations faciles. Évidemment, c'est au Japon. C'est sûr que c'est le même qu'on dit ça. Hein? Voilà. Donc, c'est l'extincteur de fumée. J'ai quand même réussi à le traduire de l'anglais, mauvaisement traduit du japonais à l'anglais au français. C'est quand même un processus laborieux. De l'énergie en spray maintenant, vous fiez toujours sur votre dose quotidienne de café, ben Sprayable Energy va certainement pas vous aider à perdre cette habitude-là, parce que ça va vous donner une façon de vous surcaféiner encore plus sur la route, sans arrêter, dans votre café préféré. Vous allez donc vaporiser cette solution sans fragrance et sans couleur sur votre cou, directement sur votre cou, pour avoir un effet prononcé de caféine, un buzz de caféine, comme on dit. Il y a vraiment de la caféine dans cette affaire-là et ça va être imprégné par la peau très lentement, donc fournissant de l'énergie à long terme sans avoir le crash comme certains ont à 3-4 heures de l'après-midi. Donc, c'est pas aussi délicieux au goût que du café parce que, comme j'ai dit, ça n'a pas de fragrance, ça n'a pas de couleur. Je sais pas si ça a un goût, en fait, ça le dit pas. Mais c'est quand même moins cher qu'un café par dose et c'est pratique pour se réveiller un petit peu. Donc, 15$ pour ce Sprayable Energy Spray. On a déjà évidemment entendu parler de voitures qui se conduisent tout seules. Google, entre autres, qui travaille là-dessus en ce moment. Mais des vélos qui s'équilibrent tout seuls, ça, c'est quand même un petit peu plus surprenant. C'est le Gyro Bike. C'est un vélo pour enfants qui est rempli de trucs électroniques qui est inclus dans la roue dans l'avant. Et lorsque c'est activé, le Gyro Bike ne réussira pas à tomber même s'il n'y a personne dessus. Donc, ça agit comme un gyroscope. Les roues créent une force de résistance qui aide le vélo à rester debout, si je comprends bien le texte ici. L'assistance peut être allumée ou éteinte ou ajustée pour contrôler ça avec une télécommande à part ou directement sur la roue. Oh, directement sur la roue! Ben oui, c'est ça. Donc, le Gyro Bike qui a aussi des effets sonores pour aider les enfants à se promener avec. Donc, la batterie peut durer jusqu'à 4 heures par charge. On espère que l'invention va être une façon pour les enfants d'apprendre à faire du vélo sans avoir besoin de petites roues en arrière. Donc, ça va fournir la possibilité de graduellement descendre le niveau d'auto-balance, auto-équilibre, alors qu'ils gagnent en confiance. Donc, plus ils ont confiance en eux à vélo, moins vous allez avoir besoin de résistance et du gyroscope, finalement, pour rester debout. Donc, vous pouvez aller sur Kickstarter et donner 250$ américains pour recevoir le Gyro Bike. C'est J-Y-R-O et non pas l'appellation habituelle, donc J-Y-R-O Bike. Donc, si votre enfant a déjà un vélo, vous pouvez mettre seulement 129$ pour avoir seulement le Control Hub, donc la roue qui va pouvoir être montée. Ben, en fait, le truc autour de la roue qui va pouvoir être monté sur une roue de 12 pouces ou 149$ pour avoir le Control Hub qui va sur une roue de 16 pouces. Voilà pour les informations là-dessus. Et pour terminer, Tassimo est partout, que ce soit Tassimo, Keurig ou peu importe. Là, on l'utilise maintenant comme une marque, comme Kleenex, alors que c'est même pas Keurig ou Tassimo qui fait ça. Donc, c'est le Flatev. F-L-A-T-E-V, qui est une machine à tortilla qui se sert de pod, pareil comme les Keurig et Tassimo, à dosage unique. C'est comme des dosettes. Donc, vous insérez un pod de pâte pas cuite et, optionnellement, en option, vous pouvez aussi ajouter des saveurs. Vous appuyez sur un bouton et quelques secondes plus tard, vous allez manger votre tortilla fraîchement cuite. Génial, hein? Donc, il va y avoir des versions à la farine, au maïs et au maïs bleu. T'sais, on voit souvent le maïs bleu. Chaque dosette devrait coûter environ 1$, donc c'est quand même cher pour un tortilla. C'est sûr que ça l'est. La machine, bien évidemment, c'est plus pratique. Hein? Donc, on paie pour le fait que c'est pratique. La machine devrait coûter environ 300$. Les détails sont pas encore finalisés. On peut donner son adresse courriel pour recevoir un avertissement quand vous allez pouvoir précommander la machine Flatev. On ne sait pas encore quand ça va être disponible, mais ça devrait être en 2015. Allez voir, il y a une petite vidéo de démonstration de ce gadget-là pour faire vos propres tortillas avec la saveur que vous voulez. Pour vrai, l'idée est super bonne. J'aime beaucoup ce principe-là, même si ça fait énormément de déchets sur la belle planète qu'on habite. On est rendu là, faut croire. Voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Des gadgets inutiles, tous les liens sur assemblagewiki.com. Dans quelques instants, tantôt, il nous reste encore les instructions d'assemblage, il nous reste aussi King Sexy Time à faire et le puisard du hasard. Tout ça avant que Mathieu Plante se présente pour sa dernière demi-heure de l'émission, sa chronique Nettoyage après cynisme. Avant ça, par contre, soyez braves un petit peu, écoutez une de mes pièces préférées du palmarès anglophone, Be Brave, de Sleeper Agent, tout de suite à Assemblage Wiki. Sur C'est fou. Au retour, Kinky Sexy Time à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Vous êtes toujours ensemble à Jouer qui, émission estivale en pièces détachées. Oh oui, les petits oiseaux sont contents que cette émission continue pour encore 1h30 environ. Il reste la moitié de l'émission à peu près ensemble. Maintenant, là, ce qu'on devrait faire, d'après moi, c'est de parler de sexe. Je pense que c'est là qu'on est rendu psychologiquement. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique plus ou moins avertie. En fait, pour un public plus ou moins averti, la chronique elle-même est pas mal tout le temps avertie parce que c'est ce qu'elle fait. Hein. Donc, c'est la chronique sort de cet effet où on parle de choses un petit peu plus osées. Par exemple, on a déjà mentionné le fait, je pense que c'est assez connu, je pense qu'on a peut-être fait quelques fois même à Kinky Sexy Time, que le pH de l'entregent féminin est de 4. Okay? Donc, la balance acide, etc. D'acidité. Donc, 4, même chose que les tomates, le vin et les abeilles qui ont le même pH que l'entregent féminin. Ça, je ne le savais pas. Qu'est-ce que les requins et les vagins ont en commun? Le squalène, c'est une substance qui existe dans le foie, dans le foie des requins, c'est bien sûr le foie, et qui est un lubrifiant naturel. Donc, squalene. Est-ce qu'il y a un équivalent en français autre que ça? Non, c'est le squalène, parfois appelé aussi spinacène ou suprène. C'est un triterpène isoprénoïde à 30 atomes de carbone et de 50 atomes d'hydrogène. Et ben voilà. Les hommes qui ne sont pas mariés et les femmes disent avoir des relations sexuelles 4 fois par mois en moyenne. Les hommes qui ne sont pas mariés et les femmes qui ne sont pas mariées environ 4 fois par mois. Si vous voulez que votre entregent féminin sente et goûte meilleur, mangez des ananas. Le mécanisme interne va diriger le sucre des ananas directement dans vos parties féminines. En moyenne, le CDC, c'est le Center for Disease Control, estime que 19 millions des nouvelles infections transmises sexuellement, 19 millions de ça ont lieu, sont transmises par année. Environ la moitié, c'est parmi les 15 à 24 ans. Donc 19 millions de nouvelles infections transmises sexuellement par année. D'ailleurs, dans le même domaine, seulement 29% des étudiants universitaires et au collège vont utiliser des condoms pendant les relations anales. Et seulement 4% pendant les relations orales. Seulement 54% des étudiants, d'ailleurs, vont régulièrement utiliser le condom pendant les relations régulières, vaginales. On dit qu'un étudiant sur 4 au niveau universitaire a une maladie ou une maladie transmise sexuellement. Une étudiant collégien ou universitaire sur 4. Il y a des gens, on a déjà parlé de ça mille fois, le PGAD, les gens qui ont le Persistent Genital Arousal Disorder, donc le désordre d'excitation génitale persistant. Donc ils sont tout le temps allumés. Ben justement, les gens qui ont le PGAD vont souvent avoir des orgasmes spontanés. Donc ils peuvent en avoir une douzaine par jour environ et vont être obligés de se stimuler eux-mêmes pour se soulager. C'est quand même pas évident. Masters & Johnson nous apprend que les hommes et les femmes vont brûler entre 7 et 25 calories par orgasme. Entre 7 et 25. On dit que la différence entre l'orgasme d'un homme et d'une femme, deux orgasmes différents, c'est que les hommes se rendent à un point où ils ne peuvent plus se retenir et donc doivent passer à l'orgasme, alors que les femmes peuvent perdre un orgasme pendant qu'elles sont en train de l'avoir. C'est ce qui différencie les hommes et les femmes côté orgasme. Les experts croient que regarder de la porno va baisser le désir de violer quelqu'un, selon l'étude. Donc, regarder de la porno, ça enlève ton désir. En tout cas, ça baisse ton désir. C'est sûr que si tu fais rien et que tu crois pas à ça, genre te toucher, peut-être que tes envies sont tellement intenses que tu veux sauter sur quelqu'un qui n'a pas de défense. Je sais pas. J'imagine. C'est comme les jeux vidéo, hein, tu sais. De jouer à des jeux vidéo super violents, ça pourrait très bien t'empêcher de vouloir vraiment être violent contre des gens parce que tu viens de soulager ton envie. Je sais pas. Ça, c'est une question très, très subjective. Mais bon. Une femme sur 1000 va naître avec ce qu'on appelle l'utérus d'Idelphis, c'est-à-dire un deuxième utérus. Pas un deuxième vagin, on a déjà parlé de ça dans une autre chronique, mais on parle de deuxième utérus. 60% des femmes savent comment utiliser un condom correctement. 60% et 60%, encore une fois, le même chiffre, dit aussi qu'elles auraient quand même des relations sexuelles si leur partenaire refusait de porter un condom. C'est pas fort, ça. C'est pas fort. 60% qui diraient « Ah, ouais, pas de trouble. Pas de condom, y'en a pas de problème. Y'en a pas de problème. Je vais me faire avorter. » 87% des hommes savent comment utiliser le condom correctement. Par rapport à tantôt, les femmes, c'était 60%. Donc, 87% des hommes savent comment utiliser correctement. Et eux, 70% croient que les hommes devraient toujours avoir un condom sur leur personne en tout temps, juste au cas où. Tu vois, c'est vraiment différencié. Les filles, 60% ça ne leur dérangerait pas de faire avec un gars qui n'a pas de condom, alors que les gars, 70%, veulent toujours avoir un condom sur leur personne. Au-dessus de 45% des nouveaux étudiants au collège, au niveau collégial ou universitaire, qui ont passé une soirée de binge drinking, donc boire jusqu'à ce que ce soit plus possible de le faire, n'ont pas considéré l'utilisation d'un contraceptif, donc d'un condom, avant les relations sexuelles. Donc plus de 45% des gens qui ont bu comme des trous le soir d'avant n'avaient pas pensé au condom. Plus de la moitié des participants dans une étude d'étudiants au niveau collégial et universitaire croyaient qu'ils pouvaient déterminer si une personne avait une infection ou une maladie transmissible sexuellement juste en les regardant. Donc, tu regardes quelqu'un et tu peux déterminer s'ils ont une maladie transmissible sexuellement. Je pense pas que ça marche de même. 80% des gens qui ont eu une maladie transmissible sexuellement n'ont pas de symptômes remarquables. Donc, tu vois, 80% des gens n'ont pas de symptômes remarquables. Donc, tu ne pourrais pas déterminer qu'ils en ont une en les regardant. En 2007, un couple marié... Je pense que je l'ai déjà fait celui-là, mais je le trouve drôle, je le répète. En 2007, donc, un couple marié s'est divorcé après avoir réalisé qu'ils trompaient l'un l'autre avec l'un l'autre dans un chat en ligne. Inconfortable. Ça fait une très bonne sitcom. Je pense que toutes les sitcoms ont fait un scénario du genre. Mais bon, c'est plus drôle dans une sitcom que dans la vraie vie, j'en suis certain. La raison pour laquelle les hommes préfèrent différents types corporels a une relation directe avec leur personnalité. En 1968, 95 étudiants au niveau collégial et universitaire ont été étudiés pour comprendre s'il y avait une corrélation entre la personnalité d'un homme et le type de corps qu'il cherchait chez une femme, dans ce cas-ci, dans des relations hétérosexuelles. Donc, les hommes, devaient identifier quelle silhouette, c'était des dessins, quelle silhouette ils préféraient, et ensuite remplir un test de personnalité. Donc, les silhouettes variaient en termes de grosseur, grandeur, donc quand même, on va essayer de comprendre quelques-unes des corrélations. Les gens derrière l'étude ont réalisé qu'il y avait en fait un lien, une corrélation entre la personnalité d'un homme et son type de corps. Donc, les hommes qui préféraient un plus gros corps, quelque chose de plus large, des gros seins, des grosses fesses, des grosses jambes, avaient besoin de réussir quelque chose, un besoin de réussite. Les hommes qui préféraient, need for achievement en anglais, donc ils devaient réussir quelque chose, ils devraient... achievement, vous savez ce que c'est sur Xbox, des achievements. Donc, accomplir quelque chose, besoin d'accomplissement est le mot que je cherchais. Merci moi-même. Donc, les hommes qui préféraient une femme moyenne, c'est dans la norme, si on veut, donc tout standard, si on veut, avaient, eux, une tendance à être désorganisés dans leurs habitudes personnelles. Des données, ils ont conduit dans une autre étude complètement, ils ont fait une autre étude, et les données ici suggéraient que les hommes, dans une classe plus élevée, donc plus riche, préféraient les femmes plus minces et plus petites. Les hommes qui aimaient les gros seins avaient une tendance à sortir avec plusieurs personnes, donc dater fréquemment. Et les femmes, il y avait aussi des intérêts typiquement masculins, par exemple les sports et les voitures. Ceux qui aimaient les gros seins chez une femme très, très mince. Encore plus loin maintenant, les hommes qui aimaient les plus gros seins, mais juste en général, étaient indépendants, mais avaient besoin de dire des choses intelligentes, ou en tout cas dire des choses, drôles, et attirer l'attention. Donc, ceux qui aimaient les seins, j'imagine que c'est pour dire que leur copine a des gros seins, ça va attirer le regard des autres, un peu comme leur blague attirait l'attention des autres. Ils veulent juste attirer l'attention avec leurs blagues et avec les gros seins de leurs blondes. Bon. Un psychologue de l'Université du Nouveau-Mexique et donc une recherche qu'il a fait, une étude, nous montre que les danseuses faisaient plus de types, donc de pourboire, lorsqu'elles étaient en période d'ovulation que lorsqu'elles n'étaient pas en ovulation. Et aussi plus que les femmes qui étaient sur la pilule et qui, elles, étaient évidemment pas en ovulation parce qu'ils ne peuvent pas être en ovulation si elles prennent la pilule. Donc, l'assistant... l'assistant à la recherche où il a remarqué ça parce qu'il travaillait dans un strip club. Il était l'assistant des danseuses. Et une des choses qu'il devait faire, c'était de donner des tampons aux femmes. Donc, il a remarqué que les femmes qui demandaient des tampons méritaient moins d'argent que les autres. C'était donc la base pour démarrer une étude. Ils ont donc installé un site web anonyme où ils ramassaient les données de 296 quarts de travail, ou donc encore 5300 danse à 10, je sais pas trop combien il y a une valeur à ça apparemment. Donc les femmes, j'aime mieux danse sur cuisse. Donc les femmes donc mettaient aussi des informations par rapport au salaire, à la productivité, les cycles menstruels. Résultat, les femmes qui étaient en ovulation, les femmes qui ovulaient donc méritaient en moyenne $30 l'heure par rapport aux femmes qui étaient dans leurs règles. Attends un peu. Ça dit pas, il manque un mot. Méritait, je pense, $30 de l'heure de plus que les femmes qui étaient dans leurs règles et 15% par heure de plus que les femmes qui étaient à d'autres moments dans leur cycle menstruel. Les femmes qui étaient sur la pilule, donc celles qui n'ovulaient pas, faisaient beaucoup moins d'argent que les femmes dans leur cycle naturel. La théorie est que les femmes qui ovulent sont à leur sommet de fertilité et donc ça les rend plus attirantes pour les hommes. Voilà. Nous dit-on. Une femme s'est déguisée en garçon pour sortir avec ses amis. Son nom est Jamie Barker. Vous rappelez peut-être du scénario du film She's the Man avec Amanda Bynes. C'est la même chose. Donc, son nom est Jamie Barker, qui a fait les grands titres quand elle a créé trois personnages masculins pour sortir avec ses amis de 16 ans. Donc, même si ces amis-là la connaissaient dans la vraie vie, ils ont quand même pas compris qu'elle était déguisée en garçon. Même les parents d'une des filles se sont fait duper. Gemma, qui avait 19 ans à l'époque, a causé de gros problèmes à cause de ça. Elle a été accusée de deux chefs de... À chaque fois, je me trompe sur ce mot-là, je sais jamais comment traduire « sexual assault ». Mais bon, bref, d'avoir sauté sur quelqu'un, si on veut. Et aussi un chef de fraude. Donc celui-là, pour la fraude, c'était pour avoir dit elle avait accusé un de ses personnages masculins de l'avoir violé. T'sais, elle-même, donc, de s'être violée alors qu'elle jouait un gars. Je pense qu'elle a un petit problème psychologique dans la tête. C'est pas mal tout le temps là qui sont les problèmes psychologiques, d'ailleurs. Donc, elle s'était présentée à ses amis en faisant de faux profils Facebook et en les contactant comme ça. Moi, je veux dire, je comprends pas parce que sur Facebook, tu peux plus jamais contacter quelqu'un si t'es pas ami avec de nos jours. Mais bon. Donc, elle, ça a fonctionné, ça devait être un bout de temps. C'est ça, ça a créé des problèmes. Elle a créé des problèmes, en fait, lorsque une des filles... trouvait ça bizarre que l'autre fille sortait avec le même gars. Quelque chose comme ça. Bref. En tout cas, c'est donc le Gemma Barker qui avait 19 ans et qui voulait sortir avec ses amis de 16 ans. Les hommes qui arrêtent de fumer ont une activité sexuelle améliorée. Une étude nous apprend donc que les hommes qui arrêtent de fumer vont avoir de meilleures érections et donc arrivent à leur niveau d'excitation maximale 5 fois plus rapidement que les fumeurs. Donc les chercheurs ont recruté 65 hommes qui arrêtaient de fumer avec des patchs de nicotine et seulement des patchs de nicotine. Ils ont été mesurés en laboratoire plusieurs fois. On a appris donc que les hommes qui avaient réussi à arrêter amélioraient leur performance sexuelle. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que les hommes, eux, devaient remplir un questionnaire, un formulaire et de façon subjective, eux ne voyaient pas d'amélioration. Mais bon, en pratique, il y avait une amélioration. Porter du rouge peut augmenter vos chances d'avoir du sexe pendant les fêtes. C'est vrai. Donc, même si la plupart des gens ne remarqueraient pas, les gens qui portent du rouge autour d'eux, en tout cas, moi, je ne remarquerais pas vraiment les couleurs des vêtements, mais ça peut avoir un effet impressionnant. Rouge, qui est la couleur la plus associée avec le sexe, et scientifiquement, c'est prouvé que ça va vous exciter plus que n'importe quelle autre couleur. On a prouvé que l'attention des hommes est attirée plus par les femmes qui portaient du rouge, et les hommes ont plus de chances de dépenser de l'argent sur les femmes qui portent du rouge. La tendance est à son plus fort pendant la période des fêtes. Les femmes sont aussi plus allumées et excitées donc par les hommes qui portent du rouge. Eh ben. En Inde, on a des valeurs culturelles assez particulières, assez fortes. C'est plus honorable d'avoir un garçon qu'une fille. Les filles sont considérées comme un sexe plus faible, moins important. Ça, je pense qu'on le savait. Malheureusement, à cause de ça, il y a ce qu'on appelle le féticide chez la femme. Dans le fond, envers la femme. C'est dans le sens que la femme, la mère... va terminer sa grossesse parce qu'elle sait qu'elle va avoir une fille. Donc, tous les tests pour déterminer le sexe du bébé ont été bannis en 1976. C'est la seule façon d'empêcher les féticides, ici. Donc, presque tous les mariages en Inde, si vous ne saviez pas, sont arrangés. Donc, arrangés par les parents du couple pour réussir à trouver la bonne personne pour leur fille. Les pères vont donc chercher un mari. Une fois que la personne a été sélectionnée, le père de la mariée va présenter au mari de l'argent et des cadeaux, en plus de sa fille, qui est considérée comme un cadeau aussi. Donc, ça va encourager l'homme à être un bon mari et à laisser la femme prendre soin de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'espoir, en empêchant, on revient un petit peu à empêcher les tests pour savoir quel est le sexe de l'enfant. Donc, on espère que, sans que les parents connaissent le sexe de l'enfant, ils vont avoir moins de chances de faire avorter l'enfant et donc l'amener jusqu'à la naissance, ce qui va aider à rééquilibrer la population. Par contre, plusieurs physiciens vont continuer à offrir des services pour dire le genre de l'enfant aux parents, malgré les risques. Donc, pour plusieurs docteurs, l'argent qu'ils vont faire en offrant ce service-là va être plus important pour eux que se faire prendre et se faire punir par le gouvernement. Ils font tellement d'argent là-dessus que ça devient rentable pour eux. Donc, cette loi-là, on sait pas encore, on n'a pas vraiment de nombre, de chiffres là-dessus, mais on dit que c'est très, très commun. La business, si on veut, apprendre le genre d'un enfant, devrait valoir environ, selon, je sais pas selon qui, mais en tout cas selon l'article, selon la source, 100 millions de dollars. C'est un marché de 100 millions de dollars environ en Inde. Le marché de... C'est ça. Ensuite, passons à autre chose. C'est quand même un sujet assez touché, tout ça. La drogue du viol, un autre sujet très touché dans la controverse ici. Donc, c'est n'importe quelle drogue ou médicament, ou en tout cas, truc qui peut rendre quelqu'un inconscient, généralement, pour pouvoir... Ben, en fait, ça va être souvent dissous dans un liquide, avec l'intention, bien sûr, d'avoir des relations sexuelles qui ne seront pas consensuelles. Donc, une paille a été développée en Israël par Fernando Patolski et Michael Yoffe, qui va essayer de combattre ce phénomène. Présentement, la paille peut détecter les deux drogues les plus populaires pour le viol, et avec le temps, on devrait le développer pour détecter d'autres types. La paille agit très rapidement et est réutilisable. Pour l'instant, les inventeurs cherchent des gens pour leur donner de l'argent, finalement, pour pouvoir mieux développer ça, pour pouvoir faire une version qui serait plus facile, moins chère à acheter, donc et moins chère à vendre ensuite pour le grand public. La paille fonctionne en mélangeant un petit échantillon dans la boisson avec une solution de test qui va causer une réaction chimique. S'il y a la drogue du viol dans le verre, la boisson va devenir genre nuageuse ou colorée, dépendant. Okay, voilà. Ensuite, à l'époque médiévale en Angleterre, les gens pensaient que c'était impossible de tomber enceinte sans orgasme. Et le viol était, dans le fond, je vais lire l'article, le titre est plutôt mauvais ici. Donc, à l'époque médiévale, on pensait que les femmes ne pouvaient pas être enceintes si elles n'avaient pas eu d'orgasme. Ce qui amène la question de qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, pourquoi est-ce que les femmes tombent enceintes via viol? C'est ce qu'on se demandait parce qu'il n'y a pas eu d'orgasme dans ce cas-ci, selon l'époque médiévale. Donc, la femme était accusée d'avoir eu du plaisir si elle avait un enfant parce qu'elle a eu un orgasme, donc elle a eu du plaisir. Hein? Donc, le violeur n'était pas trouvé coupable. Si la femme avait été violée et qu'il n'y avait pas eu d'enfant conçu, ben c'est qu'il n'y avait pas d'évidence, donc on ne pouvait pas prouver qu'elle avait été violée, et donc le cas était retiré, annulé, donc il n'y avait aucune façon pour la femme de gagner lors d'un viol. Il y a environ un demi-million de ce qu'on appelle des eunuchs aux États-Unis, E-U-N-U-C-H-S, eunuchs. Typiquement, un eunuch, c'est un homme qui a été castré assez jeune dans sa vie, ce qui a forcé des changements hormonaux, ce qui cause, dans le fond, il y a un manque de testostérone. À l'époque, les hommes étaient castrés sans qu'ils le veuillent, en tout cas. C'était pour pouvoir performer des tâches spécifiques où la testostérone aurait nui. Par exemple, si, mettons, les hommes étaient en charge d'un harem, étaient responsables d'un harem, on voulait pas qu'il y ait la testostérone et les hormones qu'ils allaient vouloir faire plein de choses avec ces personnes-là, ces femmes-là. Donc, il y a quand même beaucoup de eunuques de nos jours. Il y a environ 2 millions de eunuques en Inde. On les appelle les hirjas. C'est des personnes transsexuelles, selon la source que je lis ici, des personnes transsexuelles qui ont eu une chirurgie de castration chirurgicale à la place de se faire d'avoir la gender reassignment surgery où on réassigne, où on change leur sexe. Donc, des patients du cancer de la prostate avancé aussi vont souvent être castrés. Environ 80 000 de ces hommes sont chimiquement castrés aux États-Unis par année. Étant donné la durée de vie qui est plus longue après la castration, il y a environ un demi-million de ces eunuques chimiquement castrés aux États-Unis à n'importe quel moment dans la vie. Plusieurs de ces hommes-là n'aiment pas le terme eunuque. Je le prononce comme je pense qu'on le prononce, le eunuque, U-N-U-C-H, même s'ils ont toutes les caractéristiques physiologiques de eunuque. Ils ont quand même un avantage, comme on l'a dit précédemment, ils vont vivre environ 13,5 années de plus longtemps. Que les hommes qui ne sont pas castrés parce qu'ils n'ont pas de testostérone, en tout cas ont un manque de testostérone. Donc la testostérone qui va empêcher, si on veut, le système immunitaire naturel et donc avoir un effet négatif sur la santé de la personne. Je ne suis pas médecin, hein, donc je traduis un petit peu comme je pense que c'est. C'était pas exactement comme ça. Mais allez voir la source toujours sur assemblagehockey.com. Sur Wikipédia, il y a une page eunuque, U-N-U-C-H. Dans sa dernière entrevue, Ted Bundy disait que la pornographie l'avait aidé à commencer à vouloir violer et tuer. Hein, donc Ted Bundy, qui est un criminel américain, bien connu pour le kidnapping, le viol, et il a aussi tué beaucoup de femmes et de jeunes filles. Il a plaidé coupable à plus de 30 morts, admettant qu'il avait eu des relations sexuelles avec plusieurs de ces personnes-là après qu'elles aient été décédées. Donc, le jour avant d'être tué, Ted a fait une dernière entrevue, donc le 23 janvier 1989, à la prison Florida State. Le lendemain, donc, Ted était tué par chaise électrique. Ted s'est fait demander comment il s'est rendu jusqu'au point où il avait envie de violer et de tuer des personnes, des femmes. La première chose que Ted a dit, premièrement, c'est qu'il voulait blanchir le nom de ses parents. Donc, au moins, quand même, ça saute bien. Ted et ses frères et sœurs n'avaient jamais été abusés émotionnellement, physiquement ou sexuellement, c'est ce qu'il a dit. Donc, Ted dit que son addiction au sexe, sa dépendance au sexe et à la violence a commencé quand il était adolescent. Donc, il achetait des magazines de softcore pornography dans les épiceries locales et des pharmacies. Après un petit moment, Ted voulait quelque chose d'un petit peu plus intense. Donc, il commençait à regarder dans les poubelles de ses voisins où il trouvait des magazines de porno un petit peu plus hardcore et des magazines de détectives violents. Je savais pas que ça existait. Et ensuite, il est devenu accro à la violence et au sexe. Et après plusieurs années, Ted a commis son premier viol. Et tout ça a finalement escaladé jusqu'à ce qu'il tue 30 femmes dans 7 états. Il a été exécuté avant d'avoir 42 ans. Voilà. C'est très triste. Je pense qu'on va terminer là-dessus, sur cette mauvaise nouvelle. Voilà. Il nous reste quelques-uns, on les fera la semaine prochaine dans Kinky Sexy Time. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On arrive dans la dernière heure dans quelques instants. Donc, on va terminer cette portion d'émission ici. Tantôt, on aura Mathieu Roy et sa chronique Nettoyage après cynisme. C'est sa chronique humoristico-éducative. Ça s'en vient dans quelques instants. On a aussi le puisard du hasard dans quelques instants. Ça va être bien intéressant. C'est la nouvelle chronique que j'ai amenée la semaine passée. Mais pour l'instant, une petite pause. Plus d'Assemblage Requis au retour. Restez là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Vous êtes toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 2 juillet 2014. C'est Mathieu Plante qui vous parle, seul encore et toujours pour cette édition d'Assemblage Requis. Mais ne vous en faites pas, on a Mathieu Roy qui s'en vient dans une demi-heure environ pour la chronique et nettoyage après cynisme. On a aussi le puiseur du hasard où je vais vous parler de tout ce qui est tombé à travers les cracks et qu'on ramasse comme on ramasserait des déchets. Genre, ça a l'air un petit peu négatif dit comme ça. Je pense que ça va être à peu près ça pour le reste de l'émission. Je pense qu'on va sauter les esprits d'assemblage pour cette semaine pour mieux revenir la semaine prochaine. Voilà. Mais sinon, avançant en musique, on s'en va entendre radio. Voici 50 Shades of Beige. Sur ses fous, dans vos oreilles. So dis-moi quoi si tu portes quand tu files plutôt beige. Je suis ton beige, c'est ma couleur, puis je vois porter du beige. La couleur c'est beige avec mes 50 Shades of Beige. So

Et derrière l'affichage, il y a ce que Berg appelle une piste de comme de voiture de course, genre à la Hot Wheels un petit peu. Donc, un petit scanner qui va passer d'un côté à l'autre de la pancarte, faisant tourner les pixels mécaniques sur commande, sur demande. Seulement, le scanner est connecté au web, donc limitant, dans le fond, la batterie qui va devoir être utilisée. Donc, dans le fond, il y a juste le scanner qui a besoin d'une batterie. Et l'affichage a rien d'électronique, donc ça va tout le temps maintenir son état jusqu'à temps que le scanner passe devant et change les pixels de côté. Donc, ça pourrait fonctionner pendant des mois et des mois, en tout cas plusieurs semaines au moins. Donc, Berg a installé le Pixel Track seulement pour montrer que c'était possible à faire. On ne prévoit pas le vendre encore. On peut mettre à jour l'affichage chaque heure, chaque jour, mais on n'a pas besoin d'avoir tout le temps un statut qui change. Par exemple, c'est, dans le fond, c'est fait pour des compagnies qui auraient besoin de peut-être juste changer une fois par semaine, mettons, ce qu'il y a décrit dessus. Donc, allez voir ça. Il y a une petite vidéo qui montre comment ça fonctionne et c'est vraiment des pixels analogues. Je trouve ça absolument fantastique de voir ça. Tu vois le gars frotter. Dans le fond, le petit chariot, le scanner en arrière, va comme appuyer avec des mécanismes genre comme des ressorts sur chaque affaire. Et tu peux même le passer avec ton doigt, si tu veux, cette affaire-là, pour faire tourner les pixels. C'est juste vraiment bien fait. C'est un petit peu difficile à expliquer. Mais tu peux vraiment choisir quel pixel va être allumé, quel va être éteint, à quelle distance. C'est le numéro 1 de la rangée 1, le numéro 2 de la rangée 1, etc. C'est vraiment cool. Donc voilà, allez voir ça sur assemblagerequipe.com. Il y a une nouvelle méthode pour forcer les gens, mais les encourager à aller donner du sang. Je suis allé donner du sang pour la première fois de ma vie cette année et j'y ai pris goût. Et apparemment qu'il y a une nouvelle ce soir et demain, je crois jeudi et vendredi, les 5 et 6, ou c'est 6 et 7, en tout cas au carrefour de Trois-Rivières-Ouest, si jamais ça vous tente. On m'a appelé ce matin pour me le dire. Mais bref, tout le monde veut donner du sang. En tout cas, j'espère que les gens veulent tous donner du sang. Mais des fois, on n'a pas... il faut un petit quelque chose pour nous convaincre encore plus. Donc c'est la compagnie YNR à Moscou. Qui a fait un partenariat avec une compagnie de téléphone cellulaire Azerbaïdjan. Non, c'est Nord Mobile dans le Azerbaïdjan, c'est le pays. Donc, pour créer un appareil portable, un bracelet qui s'appelle Donor Cable, qui permet à un téléphone intelligent de donner du courant à un autre. Donc, tu portes le bracelet et tu peux faire charger le téléphone, tu peux prendre le courant de téléphone et le donner à un autre. Et il y a aussi l'inscription dessus, donner de l'énergie pour sauver votre téléphone et donner du sang pour sauver des vies. C'est vraiment une très très bonne idée. Donc, on encourage à donner du sang là-bas au Azerbaïdjan parce qu'il y a un très grand nombre d'enfants qui naissent avec un désordre qui s'appelle le thalassémie, une maladie héréditaire, surtout dans les cultures méditerranéennes, où on se demande des transfusions de sang pour les bébés. Et les hôpitaux souvent manquent de sang. Donc, les bracelets Donor Cable sont donnés lors de l'achat de téléphones Android dans les magasins Normobile partout dans le pays. Donc, c'est ça. Il y a souvent, la plupart du temps, il y a un centre pour donner du sang juste à côté. Donc, pendant que tu as encore ça en tête, tu peux directement aller donner du sang dans le même centre d'achat, mettons. Donc, ça a augmenté les dons de sang dans le pays d'environ 335%. Et puis ça a évidemment amené de l'attention à ce projet-là un petit peu partout, même pour ceux qui n'ont pas donné ou qui ne peuvent pas donner, comme certains le disent. Comme c'est le cas pour ça. Ensuite, la façon la plus efficace de manger un hamburger. Haha, c'est hier que j'aurais besoin de ça quand je suis allé chez McDonald's. Non, dans un restaurant de hamburger commun et typique et peu importe, quelconque. Donc, la meilleure façon de tenir un hamburger, bon, on pourrait penser qu'un hamburger, bon, ça se tient d'une seule façon, c'est avec ses mains à l'endroit. Hein? Mais selon l'émission de télé japonaise Honmaneka, on a amené trois scientifiques, des experts en mécanique du liquide, en ingénierie et en dentisterie pour trouver la meilleure façon de manger un gros hamburger. Donc la recherche est déjà évidemment super drôle. Il y a un scan 3D de hamburger qui montre comment les particules interagissent ensemble lorsqu'on tient un gros hamburger. Les photos sont sur assemblagerequipe.com, mais ce que ça nous donne, le résultat, c'est ce qu'on veut, le résultat, ça montre que la façon typique de tenir un hamburger est souvent la mauvaise. On va souvent squeezer le contenu vers l'extérieur du pain et c'est pas une bonne chose. Après plusieurs essais, on a conclu qu'il y avait une seule façon supérieure d'éviter les dégâts, et c'est de mettre le pouce et le petit doigt en dessous du hamburger et les autres doigts, les trois doigts du milieu, sur le dessus. Donc en pince, OK? Prenez vos mains devant vous et essayez-le avec moi pour comprendre le visuel de la chose. Pouce et petit doigt ensemble en dessous du burger, des deux côtés, et les trois doigts du milieu, donc l'index, le majeur, et puis l'autre qu'on se rappelle jamais, en haut. L'annulaire. Donc, c'est comme ça qu'on mange un hamburger à l'endroit. Il y en a qui disaient, bon, mangez votre hamburger à l'envers. J'avoue qu'il y a une façon de faire ça, mais ici, si on regarde l'assiette dans la vidéo, l'assiette n'a aucune marque. Il n'y a aucun dégât avec ce résultat-là. Donc, c'est la meilleure façon possible, selon les scientifiques. Comme on dirait au Mathieu Planchot, merci, science. Maintenant, on parle de café hein, chez, on va le nommer, chez Starbucks. On peut se faire un joli drink de la mort à 54$. Donc, c'est Andrew de Dallas, Texas, qui a bu de la caféine et mangé du sucre comme un génie. Ouais. Donc, c'est ça, il vit à Dallas, au Texas, et il a commandé ce qu'on appelle le sexagintuple Vanilla Bean Mocha Frappuccino. Donc, c'est vraiment un record du monde pour le drink le plus cher possible chez Starbucks, ce qui a vraiment éclipsé l'ancien record de 47,30$, qui était le sexagintuple Vanilla Bean Mocha Frappuccino. Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est le nom du nouveau drink qui lui coûte 54,75$. Mais il n'a pas eu à payer 54,75$ parce que le gars est un intelligent. OK? Pour ce gros genre de milkshake, il a payé 0$ parce qu'il est membre or chez Starbucks. Gold member dans leur programme de loyauté, là, de fidélisation de la clientèle, comme tous les cafés ont. Chez McDo, tu peux avoir 7 cafés, puis après ça, tu auras 8e et gratuit, quelque chose comme ça. C'est la même chose. Lui, il avait droit à un drink gratuit après chaque 12 verres qu'il achetait. Donc, le coupon pour une boisson gratuite lui donnait droit à n'importe quelle boisson disponible. Donc, il a pris 4,5 grammes de caféine et au moins 2000 calories avec son superbe gros verre. Mais bon, hein, ça vaut la peine. Pour vrai, ça a l'air délicieux. Ça a peut-être l'air pour vous dégueulasse, vous allez voir la photo sur assemblage.com, mais moi, c'est le genre de choses que je prendrais n'importe quand. Ensuite, le prochain, ben, je ne vous lirai pas l'article au complet, mais c'est le 4 café. 4 cafés pour se réveiller le matin. Hein, un chat qui te liche la face et un café. C'est probablement les deux choses qui me réveillent le plus rapidement. Donc, si on donne la chance aux invités de boire un breuvage chaud, une pâtisserie, manger une pâtisserie et communiquer avec un félin dans un endroit public, c'est ce qu'on appelle un 4 café. Pas de litière à faire, pas de pâtes qui viennent graffiner le bord de ton lit, mais tous les bénéfices, les avantages psychologiques qui viennent avec un bon chat. C'est ça, les 4 cafés. C'est populaire un petit peu partout dans le monde. Il y a l'historique complète des 4 cafés et il y en a même un. Il y en avait un? Non, je crois qu'il y en a encore un à New York. Le premier 4 cafés, nommé le 4 cafés. Hein. Commandité par Purina One, une compagnie de nourriture pour chats, parce qu'évidemment, aux États-Unis, tout doit être commandité par quelque chose. Mais c'était à court terme. C'était seulement à court terme. Le premier café de chat permanent sera un à San Francisco et un à Oakland qui devrait ouvrir cette année. Voilà! Je vous avais dit que je ne lirais pas l'article au complet, puis je suis en train de commencer. Là. Donc, allez voir assemblagerequis.com. Un grilled cheese, c'est bon? Un grilled cheese livré directement dans ta face via un drone, c'est encore mieux. Hein. Les food trucks, c'est très, très 2013, nous dit Pace Magazine. Maintenant, ceux qui veulent un grilled cheese livré par parachute vont être récompensés par une compagnie à Melbourne, en Australie, qui vient d'ouvrir un restaurant où les sandwichs au fromage sont livrés donc directement par parachute. Les propriétaires, ben, c'est pas un drone pantoute. Je sais pas pourquoi j'ai dit un drone. En tout cas. Donc, les propriétaires de Jaffel Shoots, c'est le nom en australien. Ben, pas en australien. En anglais, en Australie, c'est le surnom pour un grilled cheese. On appelle ça un Jaffel. Donc, c'est un système de livraison de fromage à sandwich fondu contrôlé par la gravité. Voilà. Donc, vous payez à l'avance via PayPal, vous vous mettez sur le X qui est collé dans la rue, en dessous du restaurant qui est en haut d'un gratte-ciel, et vous regardez votre grilled cheese descendre par parachute. Wow! On dit présentement, les rumeurs courent, ou flottent, que ça va venir à New York, les Jaffel Shoots. Je sais pas si on va appeler ça grilled cheese shoots ou quoi, mais bon. Jaffel Shoots. Il y a un compte Twitter... Maintenant, qui s'appelle Every Word, en fait, ça vient de se terminer, c'est pas maintenant, ça a été créé en 2007, qui tweetait chaque mot de la langue anglaise sur Twitter, à la fois depuis sa création en 2007 par le programmeur Alan Parrish. Après 109 000 tweets et plus, le compte s'est rendu à la fin du dictionnaire à la fin de semaine passée. Donc, le Washington Post nous en explique un petit peu plus sur la création de ce compte Every Word, twitter.com/everyword. Et donc, c'est ça, ça s'est complété. Le dernier mot... Non, attends un peu, je crois que ce n'est pas... Attends, est-ce que ça va être terminé en fin de semaine qui s'en vient? Oui, l'article a été écrit le 3 juin. Je croyais avoir manqué ce moment de l'histoire. Mais non, ça va être la fin de semaine qui s'en vient. Pour ceux qui nous écoutent le jeudi ou le samedi, c'est la fin de semaine du 7 et du 8. Donc, les seuls qui vont manquer ça sont ceux qui nous écoutent le lundi 9. Donc oui, c'est ça, on est rendu à Zoological présentement il y a 19 minutes. Il y a 49 minutes, c'était Zoologic. Il y a une heure, c'était Zoolatry. Il y a deux heures, Zookeepers. Et là, je pense qu'on est dans le domaine des zoos pas mal. Zookeeper, Zoid, Zoography, Zoogeography et un paquet d'autres mots comme ça. Et finalement, grâce à sa petite grosseur et son indestructibilité apparente, les caméras GoPro nous permettent de regarder des choses qu'on n'aurait pas vues sans les GoPro, que ce soit bon, une tournée de la Corée du Nord, à l'intérieur d'une bouche de crocodile. Maintenant, une GoPro a été installée dans l'endroit qui rend les gens curieux le plus. Moi, j'aurais dit un réfrigérateur pour voir si la lumière s'éteint vraiment rapidement quand tu sonnes la porte. J'aimerais ça voir le lien entre la lumière et le réfrigérateur. Mais non, on l'a mis dans un lave-vaisselle. Pour vrai. Donc, c'est une petite vidéo de 4 minutes 34. Je vous laisse le lien sur assemblagerequis.com. On a mis la GoPro dans le lave-vaisselle. Évidemment, il y a de la lumière quand même. Je sais pas comment il y a de la lumière. Je sais pas si c'est la GoPro elle-même qui a une lumière dessus. Probablement. Mais bon, donc on voit l'eau sortir par le petit tube du milieu. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un rond là, dans le milieu du lave-vaisselle, puis que ça m'empêchait de mettre plus de vaisselle. Mais c'est là que le tuyau va sortir pour mettre de l'eau. C'est quand même assez logique quand tu y penses. Et là, si on avance un petit peu plus tard dans la vidéo, l'eau vient gicler partout dans le lave-vaisselle. Et évidemment, ça c'est quand même assez long comme processus. C'est même pas mal l'essentiel de la vidéo. C'est l'eau qui patauge un petit peu dans la vaisselle. C'est pas super intéressant, mais quand même, c'est ça. C'est le puiseur du hasard. Hein? Ça ramasse un petit peu les miettes au fond de l'émission. Pas toujours super bon. Nous voilà arrivés à terme de cette chronique Le puiseur du hasard. Dans quelques instants, ce sera Mathieu Roy et son excellente chronique Nettoyage après cynisme. Mais avant ça, j'ai envie d'une chanson de Royal Canoe. Tant qu'à parler d'eau avec le puiseur du hasard et avec le lave-vaisselle et probablement plein d'autres sujets qu'on a frôlés dans l'émission d'aujourd'hui, Royal Canoe s'en va nous patauger sa chanson Just Enough tout de suite sur chose là, comment t'appelles ça? C'est fou? 89.fm. C'est ça? C'est fou. C'est bien ça? Je suis pas sûr. Pas sûr de mettre la bonne chanson non plus. Bravo, voilà. Just Enough. Royal Canoe sur l'album Today We're Believers à Assemblage avec lui. Got nothing to hide. Watch our skin lighten up. Curious little ghost. You don't peek, no, you don't. Water washes off your back. Everyone's reflective. Oh, Between You et Just Enough. Au retour, Mathieu Roy et son nettoyage après cynisme. Assemblage qui reste là. Ça va toujours me faire rire, c'est drôle. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Mathieu Plante. Et maintenant, on accueille Mathieu Roy. Bonjour Mathieu. Salut pour la dernière demi-heure de l'émission. Oh oui, on est présent pour la dernière demi-heure, histoire de rire un petit peu. Juste un petit peu, pas trop. Ben, on ne créera pas trop d'attente quand même. Là. Des fois, tu sais, si on dit que c'est déjà trop drôle, ça serait tellement être imbu de soi-même. Ce serait un petit peu, certains diraient, narcissique. Tu sais? Ouais. Mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait dire. On voulait plus moi, parce que moi, j'aime ça parler de moi, OK? Mais pas là. À la place, on va parler de Pinsaré. Je pense que c'est ça ton sujet d'aujourd'hui. Hein? Oui. Parce que tu m'as amené vers le narcissisme, mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Non, parce que j'ai fait des recherches, puis qu'est-ce que ça donne pour les narcissiques? C'est des troubles de la personnalité narcissique, puis j'apprenais vraiment trop de choses, puis je trouvais pas assez de gags. C'est trop intelligent. J'étais là, mais voyons, où est l'humour là-dedans? C'est ça. Puis non, j'avais rien, tu sais, il y avait pas de contenu. Fait que pince sans rire, c'est plus un style d'humour qu'on croit être conventionnel selon Wikipédia. OK. Toujours la source de Wikipédia. Oui. L'humour pince sans rire, selon leur définition, est une forme particulière d'humour caractérisée normalement par l'air sérieux de la personne qui en fait preuve, que l'on peut rapprocher de l'humour noir. Tout à fait. Certains diraient que François-Olivier Marchand, à l'époque, faisait de l'humour pince sans rire à Assemblage Requis. C'est vraiment un exemple parfait de l'humour pince sans rire. L'humour pince sans rire, c'est l'art de blaguer, mais le plus subtil soit-il. Ben c'est que absolument... personne va comprendre vraiment ce que tu veux, ce que tu fais. C'est très, très, très rare les gens qui saisissent le pince sans rire. S-mis-mis-mis. Mettons, c'est le contraire de moi qui vais rire de mes propres blagues à outrance. T'sais. Ouais. T'sais, si je fais une blague et que je fais pas référence au fait que c'est une blague, je vais me dire personne n'a compris en plus. T'sais. Moi, je pense que c'est une capacité supplémentaire du simple humoriste comme moi et toi. C'est ça. On l'est, tu sais, dans le sens où on est capable de rire de nos propres blagues. D'ailleurs, la plupart du temps, on est notre propre public. C'est ça. Oui. L'un, l'autre est autodidacte, genre, c'est ça. C'est vrai. Puis c'est une interrelation de ce qu'on vit avec nous-mêmes. C'est mutuel. C'est ça. Mais en même temps, c'est individuel. Oui. Oui, oui. D'ailleurs. Mais. Ta chronique est trop intelligente. À chaque semaine, tu nous parles de style d'humour que personne ne saisit vraiment. T'sais. Ben, j'ai fait des lectures qui ressemblaient à de la psychologie avant. Là, ouais. Ça m'a fucké l'esprit. C'est un maudit fucking. Ouais, je me remettrai pas. Je reviens jamais. Non, non, non. Fait que c'est vraiment. Je pense que ce sont des humoristes meilleurs que nous. Ben, vraiment. C'est ça, pince sans rire, c'est quelque chose que j'admire. Parce que j'aimerais. Il y a des fois où je laisse des blagues que je trouve tellement intelligentes que je me dis si ça avait juste arrêté là, que j'avais pas réagi, que j'avais pas dit ah, t'as pas dit, ça aurait été pas mal meilleur. Ouais. Vraiment. Mais tu dois avoir quand même un auditoire qui est capable de saisir ça. C'est pas. D'après moi, c'est peut-être à cause que nous, les semi-humoristes, on aime les vrais. Fait que c'est pour ça qu'on les apprécie, mais les personnes qui apprécient moins l'humour, je pense que pour eux, l'humour pince sans rire va pas les chercher. C'est ça, là. C'est ça. C'est comme j'aurais besoin d'un diagramme, là, mais ouais. Ouais, c'est ça qui arrive ça. Avec la radio, on n'a jamais de diagramme. C'est pas très visuel pour quelqu'un de visuel comme moi. Ben, ceux-là qui ont des GPS dans la voiture, sûrement que ça en a fait un. Sûrement, il doit avoir une fonction auto-intelligente qui le fait. Là. C'est ça. Tu sais, payé sur OnStar. OnStar. Wow, OnStar. OK. Quand même. Ouais, ouais. Ben, tu sais, vous voyez, je l'ai ri. C'est pas bon. Non. On n'est pas très. Je pense que c'est vraiment. Tu vas nous demander à la fin, j'imagine, notre cote nous-mêmes de pince sans ririsme. On verra tantôt qu'est-ce qu'on se donne comme note. On va y penser. Ouais. Mais est-ce qu'on y va tout de suite avec des petites blagues? Des exemples? Des saisies de... Ouais, disons que ça n'a pas été un énorme succès les semaines passées. Ben je genre brisé de quoi, là? Okay. J'ai trouvé genre la blague la plus drôle sur Internet. C'est vraiment genre comme vraiment annoncé, mais vraiment plate. Fait comme ça, okay. Ça va arrêter les standards de pourquoi c'est une blague de qualité. C'est une université qui a fait une recherche pour savoir quelle était la meilleure joke internationale. OK, ça va être là, tu vas nous la dire? Ouais, ça va être là. OK, là. Parce que moi, j'enlève le fond. Puis j'enlève même les oiseaux, tellement ça va être gros. T'es prêt? Je suis prêt. C'est la British Association for the Advancement of Science qui a fait ça. Wow. Okay. Hein? Et puis les British, ils n'y aient pas que la science, c'est eux autres qui ont inventé Darwin. Deux chasseurs se trouvent en forêt. Soudain, l'un d'eux s'effondre. Il semble avoir cessé de respirer, ses yeux sont vitreux. Son camarade paniqué appelle les services d'urgence sur son portable. « Notre ami est mort. Qu'est-ce que je peux faire? » L'opérateur répond tranquillement. « Calmez-vous. Je peux vous aider. D'abord, assurons-nous qu'il est mort. » Il s'ensuit un moment de silence puis un coup de feu. Le chasseur reprend le combiné. « C'est bon. Et maintenant? » Meilleur joke international selon un site qui s'appelle lecampement.net. Ben, c'est sûr que c'est pas à s'enrouler à terre, là. Mais elle est quand même pas mal bonne. Elle est pas mal bonne, je te dirais. Je donnerais un bon, là, un bon. Pour l'intelligence, là, quand même un bon 9. Ouais. Elle mérite, ces blagues-là. Elle mérite. Tu sais, c'est ça, c'est pas assez esclaffé, mais en même temps, une blague, c'est pas nécessaire que ce soit. Tu sais, puis plus capable d'arrêter de rire. Hein. Tu sais, oh, je la comprends, elle est intelligente, j'admire. Tu sais? Parce que l'art de blaguer, vraiment comme construire un texte pour une blague, c'est vraiment un autre art que celui de s'adapter directement sur le moment présent du timing de la blague. T'sais, dans le sens où les gens les plus drôles qu'on connaît autour de soi, c'est qu'ils sont capables d'interagir avec le moment présent, les gens qui sont là autour, puis juste saisir le timing. Parce carpe diem. Ouais, c'est saisir carpe diem de la blague. Et voilà. C'est vivre le moment présent, vraiment présent. Carpe gagem. Ouais. J'ai trouvé l'origine de l'expression « pince sans rire ». Okay. Ça vient en 1656 de Fleury de Bellingen. Bien sûr, Fleury. Ouais, bien connu pour justement juste ça. Pour le mec Fleury. J'imagine. Ouais. Saisis le moment présent. Ouais, McDonald's a acheté les droits à cette époque-là. Voilà. Et a changé l'appellation. Écrit que l'expression « pince sans rire » trouve son origine dans un jeu de société appelé « Je vous pince sans rire ». Ah. Oh, on n'aurait pas pu s'en passer de cette connaissance. C'est-tu comme « Je te tiens par la barbichette », le premier qui rira avant une tapette? C'est peut-être la même chose? Oui. Ça ressemble à la même chose, d'après moi. Oui, mais il y a beaucoup d'allusions dans vraiment l'humour « pince sans rire », c'est vraiment ça. C'est la caractéristique, c'est notre bon vieux Astérix et Obélix dans... Astérix et les Gaulois, je dirais. Ils faisaient un concours comme ça de qui allait rire en premier? Ouais. Un peu comme le staring contest où tu dois te regarder dans les yeux sans rire, tu sais. Ah ouais. Ça existe aussi. Ouais, ça existe, là, mais tu sais, c'est juste sur YouTube, là. Les gens font des défis, là, puis ils posent ça, là. Mais c'est comme faire être assis sur l'autre d'un char. Ça m'a fait. What? Tu le fais juste pour être sur YouTube. What are you talking about? Ok, tu parlais d'affaires sur YouTube en général, là. C'est comme des vidéos de chat, finalement. C'est comme des vidéos de chat. C'est comme des extraits de Bruno Blanchet. C'est la même affaire, Ouais. Vu que c'est sur YouTube, c'est la même affaire, ça. C'est sur YouTube, c'est un classement. Two girls, one cup, you know? OK, on s'en porte. Oh. Oh, boy! Oh! Oh, boy! Oh. Donc, on y va-tu avec d'autres petites blagues? Oui, il y a d'autres blagues. Ah, putain, tu me gagnes à tout coup. Avez-vous déjà pris des substances illicites? Point d'interrogation. Je prends un air sérieux. Bien sûr, j'ai fait 3 overdoses, mais je continue à prendre la coke tous les matins. Bang, hein, c'est... Bang! Première impression, c'est comme une blague, genre... Oh ouais, c'est la blague. Oh ouais, c'est une phrase. Je sais pas si c'est une blague, mais c'est une phrase. Une humour fait par les Beatles. Il y a des exemples de blagues vraiment précis, là. Okay. Comme les Beatles. Pardon. Il y a une question qu'il aurait adressée dans une interview. Puis ça a été leur vraie réponse. Que redoutez-vous le plus, les pellicules ou la bombe atomique? Sans l'humour de l'époque. La bombe anatomique, vu qu'on a déjà des pellicules. Ouais. Quand même. Ouais. C'est honnête, c'est bon. Franc. Mm-hmm. Le cinquième élément, bon vieux film qui a passé, je pense qu'il y a 2 semaines à V. Ah, pour vrai? Ouais, j'ai passé à ce moment-là précis. J'ai fait, hey, j'ai déjà vu ce film-là. J'étais resté pour la fille. C'est ça. Pas le choix, là. La fille dans le cinquième élément. Allô? Bonjour, madame. Ouais, ben c'est quand même le cinquième élément. C'est ça. Ça le dit. Oups, j'ai défendu ce coup de la fin. Je me dis ça. J'ai rien entendu. La, la, la, la, la, pour moi, c'est la pince sans rire. La question est, êtes-vous classé humain? Négatif, je suis une mythe en pullover. Ouh. Est-ce que tu veux des exemples d'humoristes, des artistes ayant pratiqué l'humour pince sans rire? Ce sont tous des exemples français. Ah ouais, c'est sûr. Ça. Est-ce que je vais en connaître un? Non. Hein? Buster Keaton. OK. Ouais. Mr. Bean. Mr. Bean! Mr. Bean pince sans rire. Oh, pas sûr. J'avoue que il fait rire, mais lui-même rit rarement de ses affaires. Mais en même temps, c'est plus du pratfall, c'est plus de la comédie physique de je m'en faire, je chute. C'est des affaires physiques plus que du pince sans rire, je trouve. Pas mal. Je dirais plus qu'il est pince sans rire dans son humour, qui est un humour vraiment comme tu l'as expliqué. Là. Parce que c'est dans son style qu'il l'applique. Là. Ouais, mais je pense qu'il parle peut-être plus du stand-up que de ses numéros comme l'émission Mr. Bean. Parce qu'il fait du stand-up aussi, Mr. Bean. Rowan Atkinson. Peut-être qu'il y a plus de ça qu'il parle, mais ouais, t'as peut-être raison aussi. Bref. Ah, ben s'il fait ça, ça aurait peut-être plus de bon sens. Peut-être. Parce qu'il y a comme genre pas une face à être genre Jean-François Mercier, mettons, comme ça. c'est le genre de gars qui est juste à cause de sa face, tu sais, qui peut pas faire ça. Yeah, ouais. Ouais. Ouais. Pas mal ça. Ouais. Après ça, Raymond Deveau. Je ne connais pas. Gaspard Proust. Gaspard Proust. Oh. Non. Jean-Luc Lemoine, médiateur dans On n'est pas couché. Ah, c'est une émission de télé, ça. Ouais. Talk show. Ouais. Dieudonné, Mbala, ouais. Mbala. Ouais. C'est cool parce qu'il est dans toutes les catégories à date que j'ai faites dans les... Sans joke. C'est à moins que ça ait beaucoup de Mbala, Mbala. Là. Mais tu sais, c'est Dieudonné. Il est omniprésent, Dieudonné. Give and you shall receive, you know. La porte était grande. C'est pas mal facile, ça. Ouais, est-ce qu'il y a l'humour facile comme catégorie un jour? Parce que c'est la mienne. Ben, je pense pas que ce serait un humour facile, mais il doit avoir un nom genre amour ludique, humour ludique. Ouais, c'est ça, genre premier gars qui te sort par la tête. Ouais, tu sais, simple. Ouais, bon. Mais quand je faisais des recherches pour Pince sans rue, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de références à moqueur. Ouais. J'étais là, genre, selon ce que moi j'utilise, le mot moqueur, c'est pas vraiment, tu sais, quelqu'un de moqueur, ça va être mesquin un peu. Ouais, tu te moques de quelqu'un d'un handicap peut-être physique, quelque chose comme ça, tu te moques de quelqu'un pour sa grosseur, ça. C'est ça, tu vas aller chercher un défaut, puis tu vas l'amplifier, là. Une caricature orale, si on veut. C'est ça, mais pour eux, être moqueur en France, c'est pas si pire que ça. OK. Ben, tu sais, ouais, non, tu te moques de ce que t'aimes aussi, dans la vie, tu sais. C'est pas nécessairement méchant. Ouais. Fait que moquerie au Québec, acceptée en France. Je sais pas c'est quoi. Peut-être qu'il doit avoir un proverbe là-dessus qui traverse les océans et change de perception. Une chanson aussi, cœur de moqueur. Non, oublie ça. Oublie ça, celle-là. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai pu faire mes recherches aujourd'hui. Donc, pour l'humour pince sans rire, j'imagine que c'est quand même pas mal qu'est-ce qu'il y avait. Pas mal ça. Est-ce qu'on connaît des humoristes québécois? On essaie de trouver un humoriste québécois qui serait pince sans rire, mettons. Attends, pince sans rire. Pince sans rire. Je sais pas. On dirait que c'est pas quelque chose de très, très québécois, pince sans rire, non? On dirait qu'au Québec, faut que tu tapes ses cuisses, t'sais. Vas-y. Pierre Légaré. Oui, Pierre Légaré. Je pense que c'est le meilleur exemple. Ouais, parce que sinon, j'allais dire Yvon Deschamps, mais je pense que Pierre Légaré, c'est encore meilleur que ça. Parce que Yvon Deschamps va peut-être un petit peu rire de ses gags. T'as rarement vu Pierre Légaré, rire de ses gags. Ben, c'est déjà genre, il reste, il regarde la caméra, mettons, tu sais. Ouais. Ou en stand-up, même chose. Ouais. Okay. Mais Jean-Thomas Jobin, serait-tu un peu là-dedans? Peut-être. Ouais. Mais lui, c'est quand même pas... Parce que si je compare les textes un peu de Pierre Légaré puis Jean-Thomas Jobin, il me semble que c'est pas vraiment le même délire humoristique. Mm-hmm. Pierre Légaré, c'était vraiment comme le gag de... Moi, je me rappelle l'annonce de Gascade. quel est le meilleur moyen de tester un papier de un rouleau de papier de toilette? C'est sur une fesse, puis ça le frotte-t-il dessus de la tête, puis t'es chaud. Moi, les gags, c'est chaud, j'ai toujours aimé. Là. C'est drôle. Je dois avouer que j'ai un petit faible. Des blagues à calvitie, c'est pas mal. C'est mes jokes faciles à moi. Ceux-là, je les manque jamais. Parce que t'en connais pas mal, les chauves. Quand même, je côtoie quelques chauves. Okay. Puis mon père est chauve. Okay. Ben, la personne qui a été mon père, fait que... Mais... La calvitie est le meilleur. Pour moi, c'est la blague facile. Toi, c'est quoi? Comme blague facile sur les gens, j'ai pas ça. Moi, je suis pas un gars genre... visible du tout, là. Mais le facteur que t'as accentué le plus, c'est quoi que tu vas aller chercher? Parce que t'es pas capable de gaguer à partir de tous les jeux de mots. Ben c'est ça, moi les jeux de mots c'est quand même ma force. Mais ils sont pas vraiment tant que ça dirigés. Non, vraiment pas. Moi c'est vraiment très varié. Je pense que je suis assez poli. Je suis assez poli, je suis un gars poli. Ouais, ouais, ça oui. Polyvalent. Ouais, aussi. Tu as été d'ailleurs, je pense. À polyvalent? Oui. Oui, ben, c'est une école secondaire, mais ouais. Tu vois, celle-là, je l'ai pas ri. Non, mais c'est pas drôle. Très drôle non plus. Là, t'as pas fait de blague de polyphila non plus. Polyphila, c'est pas l'affaire pour remplir les trous d'un mur. Ah? Ouais. Ouh, hein. Ouh, non, je pense que je t'ai perdu. Là. Ah ouais, celle-là, non, elle a passé tout droit. Je pense que je me suis perdu aussi, parce que c'est rare que je parle d'affaires aussi viriles que des affaires de construction. Puis, c'est pas mon genre. Donc, pince sans rire, on repassera une autre fois, hein, comme on l'a dit tantôt, pour me serrer la pince sans rire. Non, on reste neutre, pas de problème. Tout à fait. Est-ce qu'on a un chemin qui nous dirige vers un autre thème une semaine prochaine? Est-ce que tu sais par où tu t'en vas ou est-ce qu'on laisse ça en suspens? Je pense que je vais être obligé de changer un petit peu parce que les styles d'humour sont vraiment comme difficiles à trouver de l'information dessus. Fait que je pense que je vais rester dans l'humour, mais rechercher un petit quelque chose. Parfait. Il y a de quoi qui permet pas d'accentuer qu'est-ce que je veux faire de l'humour assez fou. Mm-hmm. Tu sais, c'est que pour moi, c'est une plateforme, puis tu sais, je veux vraiment pousser ça plus loin que juste le simple humour. Ouais, le simple humour, c'est tellement parce simple. Parce que je veux m'améliorer. Là. OK. Dans un but d'amélioration constante, ouais, Mathieu Roy. Ouais. Le souci de la performance et de la perfection. La perfection. Ouais. On dirait le narcissisme que t'as pas voulu aborder. C'est le genre de Martin Matt. Genre, tu sais, le meilleur humoriste au Québec, selon lui-même. T'sais. Ouais. Mais c'est ça, mais il n'y avait rien, le trouble de la personnalité narcissique. Je sais pas si c'est quoi la grosse mode, c'est en site ou... Je sais pas, mais je savais même pas que c'était un style d'humour, le narcissisme. Je savais pas. T'sais, d'après moi, c'est comme quelqu'un qui parle tout le temps de lui, mais là, tu dis en bien, ça pourrait être en mal aussi. Ça pourrait être quelqu'un qui parle, qui est en train de se rabaisser. Ça pourrait être drôle. Moi, je le fais aussi, ça. Se rabaisser constamment pour essayer d'être drôle, tu sais. Ça se fait, c'est peut-être narcissique aussi. C'est un pensée bien. Oui, mais tu sais, le narcissisme est le fondement de la confiance en soi. C'est la seule affaire qui s'approche. Tout à fait. Puis après ça, c'est trouble de la personnalité, manipuleur, pervers narcissique. Là, c'est plus moi, ça, là. Qu'est-ce qu'une personnalité narcissique, quand même? C'est narcissique aussi. C'est quoi la ville de ce narcissique? Ouais. Au secours, je suis narcissique. Au secours, je vis avec un narcissique. Pour ce cours, j'ai déjà connu un narcissique, je suis déjà allé à l'école avec un narcissique. Je sais pas, mais tu sais, honnêtement, j'ai absolument aucun... On s'entend que je suis très loin de la psychologie comme thème que j'étudie régulièrement. Là. Ça t'intéresse pas, ça? Ça m'intéresse, mais c'est que j'en aurais tellement trop à apprendre c'est que ça me décourage de me dire, genre, je commençais à lire un livre là-dedans, puis de te dire, finalement, ça répond vraiment pas là, à toutes les questions, ça, là. Il y a trop de sortes de gens, faudrait vraiment que tout le monde soit pareil, comme des moutons. C'est tellement plus simple. Hein? Oui, mais c'est pour ça que je prône le clonage. Et ben genre, quel style d'humour ça? Pro-clonage. Pro-clonage, c'est un style d'humour. Je sais pas. J'aurais dit que celle-là, ça aurait été un humour noir. Peut-être. Mais ça pourrait être un nouveau projet pour l'AGE. Il y a déjà les lettres AGE dans le clonage. Lancez-vous là-dedans. Attaché au clonage. Je pense qu'il va falloir acheter un droit d'auteur sur toutes les affaires qui pluguent AGE, puis ça va devenir à mode un jour ou l'autre. Il y avait potage, ça va? Ouais. Il y avait assemblage, parce que les gens pensent que c'est l'AGE, mais c'est pas l'AGE. Bon, donc Mathieu Roy, et tout son royaume, on te laisse retourner à ton trône. Et oui. Direct à toilette après l'émission, c'est ça? Non, j'ai quand même un endroit plus cosy. OK. Ouais. Ensuite, t'as fait une sieste aujourd'hui? Oui, j'ai fait une sieste aujourd'hui. J'étais vraiment trop fatigué. J'ai parlé beaucoup cette nuit au téléphone très tard. OK. Bon. Des choses qui arrivent, puis j'avais une rencontre à 8 heures. Comme rencontre à 8 heures veut dire vaut mieux se lever avant 8 heures. Ben, te connaissant, quand t'avais une chronique le matin, lever à 8 heures moins 5, arriver à 8 heures et quart. C'est ton rendez-vous à 8 heures, non? Ouais. Oh, j'aurais dû pas la rire, celle-là. Ouh, boy. Oh, boy. Ben, ça s'appelle moqueur. Pour les Français, c'est parfait. Ouais, pour les Québécois, ça passe. En France, ça passe. D'abord, on est radiodiffusé, fait que, tu sais, en même temps, on s'adresse vraiment à un public international. Worldwide, vraiment. Mais sache que je blague parce que je t'aime bien. Ouais. On agace ceux qu'on aime. Hein? Non, c'est ça. Tu me le rends bien, je sais. J'étais super en retard. Ben, pas à l'heure. Slash, chaque fois sauf deux, je pense. Et je pense qu'il y avait deux chroniques cet hiver. Attends un peu, non, c'est pas vrai. Non, je les avais à l'automne. C'est vrai, à l'automne. Ouais. À l'automne. Mais je suis tellement pas un morning man. Ben non, mais bon, c'est pas grave. T'as d'autres qualités. Oui, non, c'est ça. Je suis vraiment. Je suis capable de travailler tard. C'est ça. Oui. Mais de bonheur. Mais justement, ta chronique, tu sais, on pourrait la mettre en début d'émission, comme ça serait tard par rapport au soir d'avant et non pas de bonheur du matin. Tu sais, mettons, la chronique, t'es le plus de bonheur possible, mettons, à 5h30. C'est comme la fin de la nuit, mettons. On pourrait commencer plus tôt pour toi. Ouais. Ouais. Non, je pense que ce serait ça le best. On a jamais essayé d'animer la nuit encore. Ben, il serait temps. Il serait temps, là. Débloque le budget, là. Comment? Ouais. Bon. Ben, c'est pas juste débloquer le budget, c'est juste genre le faire. Parce que, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup plus de public la nuit parce que les gens s'en occupent pas. C'est ça. Oui, oui. Tu sais, tu veux pas avoir la radiodiffusion de. Ben, moi ça, je suis plus de Québec, là. Fait que c'était. Nous sommes allés diffuser du Palladium. Ah oui, t'sais, la musique de club. Dans ton char, si t'es dans ton char, c'est à cause que tu veux pas aller. Là. Ben, tu danses pas dans ce moment. À moins que ça te mette dedans vraiment pour aller danser, ça, c'est quand même. En même temps, oui, mais si tu te mets dedans pour aller danser, tu vas l'écouter pendant quoi 5 minutes la radio avant de te rendre au bar. Tu vas être rendu dans 5 minutes, là. Fait que tu vas écouter quoi ça. Ça donne rien d'avoir des cas d'écoute pour 5 minutes de radio, là. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui habite à 5 minutes d'un bar, là, Mathieu. T'as bien raison, c'est Québec quand même. Québec, la grande ville, ben ouais. T'as raison. Non, mais tu sais, je veux dire. C'est qu'à Trois-Rivières, on fait la même chose. À Trois-Rivières, les radios commerciales, la radio commerciale que vous savez laquelle joue de la musique de bar la nuit. Ben, tu laquelle. C'est qui, ouais. Je sais pas, je l'écoute même pas. Mais ils font ça, puis je comprends pas à Trois-Rivières. Mais bon. Que voulez-vous? C'est de même, c'est peut-être réseau, ces affaires-là, on sait pas. On s'en sac, mais bravo à vous de faire ça si c'est ce que vous voulez faire. On respecte les gens, tu sais. Oui, c'est vraiment. On fait ça sans rire. Ben, c'est ça. Aucune moquerie. Ben non. C'est vraiment franc. Hey, si ce que tu veux faire, c'est jouer la même musique que tout le monde, au moins 10 fois par jour la même tune, fine. Oui. Si les gens veulent l'écouter, fine. Mais je me demande si ça leur coûte cher de CD, dans le sens de la jouer tout le temps, ça l'use. Ça brise. J'ai jamais joué autant à des CD. C'est pour ça qu'ils sont rendus MP3. Comme ça, ils ont une grosse clé USB avec 40 tunes, puis ils peuvent faire toute la journée avec. Ouais, shuffle. C'est shuffle, mais shuffle. Elle rejouera à 3h, puis à 4h, puis à 5h. Fine, that's fine. Tout le monde, c'est ça qu'ils veulent. Puis après ça, t'as des gens qui font des demandes spéciales, puis demandent la même affaire qui vient juste de jouer. So what? Non, ils demandent la toune du même groupe qui a fait un peu avant. C'est ça, précédemment. Tu sais, hey, peux-tu me donner son vieux succès, là? Ouais. Celui d'il y a 6 mois, là? Tu sais, celui qu'on l'attendait genre 24 fois par jour. C'est ça. Ah oui, je la replace, je pense que j'ai déjà entendu. Oui, il me semble, vous l'avez déjà joué, il me semble, dans le temps. Ouais, c'est ça. Puis après ça, quand ils vont jouer une nouveauté, ils vont te le préciser parce que c'est tellement rare qu'ils vont dire nouveauté. OK. Mais déjà dans le top. Et déjà dans le top. C'est ça, il est déjà numéro 1. Mais bon, c'est une nouveauté. Pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? Souvent parce qu'on avait du temps à tuer. Non, on est pas sans rire. On est pas sans rire, c'est ça. C'est ça. C'est un numéro humoristique qu'on vient de faire. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On est à quelques dizaines, une dizaine, je dirais approximativement, minutes de la prochaine émission qui, pour les auditeurs du jeudi, sera l'excellent Rock Révélé avec Serge Nadeau. Mais avant ça, une petite chanson qu'on s'en va entendre de Dog Wave, Mathieu Roy. Un roi et un chien, tu sais? Un chien. Dog Wave. Dog Wave. Voici Crow. Crow. Oh! Ben oui. C'est stylisé. Mais ça, c'est stylisé. Et Crow, là. Oh! Je vais faire un gag de micro-cro. Mais trop tard. Crow de Doug Wave, un classique qu'on écoute pas mal souvent à Assemblage Requis cet été. Mais d'ailleurs, ça va être la fin de notre émission pour aujourd'hui. On remercie Mathieu Roy. On remercie surtout Mathieu Plante. Merci. Félix Antoine Desilets Rousseau est aussi passé en début d'émission pour nous saluer et faire la première heure, donc on le remercie aussi. On se retrouve jeudi prochain entre 14h et 18h. 14h, c'est Pas mal assez fou. 15h, Assemblage Requis. Après nous, à 18h, restez là pour recréver avec Serge Blado. On repasse le samedi entre midi et 16h avec Assemblage Requis en premier et ensuite les Palmarès c'est fou. Après nous, à 16h, c'est les Précieuses Ridicules. Et finalement, le lundi entre 14h et 18h, après nous, c'est Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan et David Ferron. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On va se quitter avec une pièce du Palmarès francophone. J'ai oublié ce que c'était depuis tantôt. Qu'est-ce que c'était? Caravane avec Minuit. C'était le meilleur entrée à se passer. Voilà, donc, passez une très belle semaine. Merci, Mathieu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, c'est certain. Oh oui. Oh yeah. Tu dois me laisser payer mes dettes, minuit, mon amour.